Cet épisode de Rétro Nouveau est une présentation de Riverbend, brasseur d'histoire. Riverbend, c'est 16 bières au goût unique brassées fièrement à Alma. Pour plus de détails, visitez le micro riverbend.com. Vous voulez avoir accès au pre-show? Devenez Patreon. Le montant donné est à votre discrétion. Plus de détails sur patreon.com. Rétro Nouveau. Rétro Nouveau. Salut tout le monde et bienvenue à ce 106e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien les gars? Yes! Yes, donc je suis avec... Nick Lachapelle. Oui. Fred Jemus. Jeff Cromp. Et moi-même, Bruno Georget. Puis ce soir, Dominique Bourret est absent. Ouais. Il aurait répondu non à la question. Est-ce que vous allez bien les gars? Non! Ouais. Oh, ça aurait été drôle. Dom aurait dû venir rien que pour ça. Puis dormir après. Ouais, Dom se fait une petite game de Othello avec une camomille présentement. Il ne file pas. Puis c'est ça, on va assurer pour lui ce soir. On devrait dire, je sais pas, 2-3 sacres. Ouais, faut plugger Tedford. Faut plugger Tedford. Chauffe de sodomie, puis on est correct. Yes. Ouais. tout est réglé. Tout est réglé. Fait que pour Dom, c'est couvert, on passe à autre chose. Fait que c'est ça, si vous étiez pas au pre-show avec les Patreons, ce soir, ça a été très, très, très, très constructif comme pre-show. On a tellement jasé. Ouais, je suis fatigué déjà. On a fait un gros show là, déjà, mais on a joué aux fléchettes. Écoutez la musique des fléchettes aussi. Family Games. Sur Master System. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, sur Sega Master System. Chanceux. C'est un beau jeu, ça. Hey, c'est de la musique, mon gars. Incroyable. La musique pour justement des discussions en arrière-plan, c'était vraiment, je pense, la nouvelle trame sonore. C'était fantastique. On a parlé des jeux de lutte, on a parlé de Castlevania à Netflix, puis aussi Castlevania en général. On a parlé. Petite conversation sur la dégringolade peut-être possible de la valeur des vieux. Ouais, de la valeur de l'or gris, que dis-je. Pourquoi j'utilise le mot NES comme un vulgaire paysan quand on peut parler d'or gris? Noob. Noob. Je suis pas digne de mon set. Ouais, exact. Mais non, c'est ça. On a vraiment parlé de plusieurs choses. Puis ça a été pas mal le fun. Fait que si jamais vous voulez vous joindre à nous la prochaine fois, au prochain épisode, vous pouvez devenir Patreon avec le montant de votre choix. Puis avoir accès à tout ça. Parce que vous allez avoir accès aussi rétroactivement à tous les shows que vous avez manqués auparavant. Puis écouter ça audio, vidéo, n'importe comment. C'est génial. Exact. D'ailleurs, d'habitude, on le fait à fin. Mais là, je vais le faire au début et je vais vous dire les petites choses à savoir sur Rétro Nouveau qui nous aident beaucoup. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Twitter. Également, vous pouvez nous envoyer vos commentaires, questions à info@retronouveau.ca. Puis, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi aller faire une critique sur le show sur iTunes. Ça nous aide énormément. Yes. Donc, tout ça, c'est réglé. Maintenant, on peut... Lancer à patente. Commencer à patente? Ben oui. Déjà. On s'était dit là, que l'intro, on va faire ça short cette semaine. Ben c'est bon, c'est excellent. À date, ça marche là. À date, on est dans le chronomètre, on est bon. Fait que ça marche. Fait que là, je vais vous parler de ce que j'ai pigé cette semaine dans ma mystérieuse boîte de jeux Game Boy et Game Boy Advance. Cette semaine, le jeu, c'est WarioWare Twisted. Oh! Ah ouais. Ça, mon gars, là, c'est fantastique parce que c'est un jeu de Game Boy Advance. Puis dans ce jeu de Game Boy Advance là, il y avait en plus de ça un gyroscope. Ouais. Je me trompe tout le temps. Gyroscope. Exactement. Fait que là, ça permettait de savoir comment tu balançais. Puis en fait, tu fais juste balancer ta console. Puis ce jeu là, je me suis rendu compte que tu sais, je jouais à ça avec un Game Boy Advance normal. Puis je trouve ça tellement plus le fun de jouer avec un Game Boy Micro. Parce que des fois, il faut que tu tournes ta console au complet. Ouais. Fait que ça va mieux pour la manipuler. Puis WarioWare Twisted, ça marche vraiment juste avec ça, avec le fait d'incliner ta console de gauche à droite pour pouvoir réussir des micro-jeux. Mm-hmm. Pour les gens qui ne savent pas encore qu'est-ce que c'est WarioWare, ben c'est vraiment des micro-jeux, c'est pas des mini-jeux. Juste 4 secondes. C'est ça. Puis il faut que tu réagisses vite, puis que tu le fasses tout de suite. Puis t'as des points qui te permettent de pas mourir tout de suite. T'as un c'est boss ça. Fight à la fin, puis c'est comme ça que tu vas finir par passer le niveau. C'est une série quand même assez longue. Oui. Je pense que c'est le quatrième de la série, troisième. Oui. C'est mais, le troisième. Ouais, je pense qu'il est sorti après. Je sais pas s'il est sorti avant ou après la version DS, là, mais c'était vraiment. C'était avant la Wii. Ça, ouais. C'était vraiment le jeu, on dirait, qui annonçait un peu. Exact. Qu'est-ce que la Wii pourrait avoir l'air. Ouais. Un peu, là. Parce que c'est ça, mais malheureusement, je trouve qu'il y a vraiment un. Moi, j'ai un manque de Wario maintenant avec Nintendo. Je trouve qu'il est pas assez exploité. Ouais. Je trouve qu'il devrait le ramener. J'avais beaucoup aimé Wario Land Shake It, qui a rien à voir avec ça. C'était un platformer. Mais est-ce que tu penses que c'était bon, par contre? Est-ce que tu penses que c'était bon? Est-ce que vous pensez que Nintendo devrait peut-être ramener la série WarioWare sur téléphone mobile? Oui! Ah, ben, mais ça, hey, quelle bonne idée! Ce serait une bonne idée. Hein? Idée comme ça, donner à Nintendo là, gratuitement comme ça. Eh oui! Mais techniquement, on vous la laisse. Pour savoir, là, tous les WarioWare, là, d'habitude, c'est des démos techniques, en fait. Exactement. Ils vont juste explorer un peu, la console, parce que c'est souvent un des titres qui sort en début du cycle de vie. Ouais. C'est aussi pour dire aux autres développeurs, « Hey, guys, vous pouvez faire ça avec nos consoles, tu sais. » Exact. Puis, tout à fait. Fait que, ouais, ça serait approprié pour ça voir ce qu'ils peuvent faire avec téléphone. Un téléphone. Mais tu sais, imagine s'ils disent, shake, tap, swipe. Puis parce que c'est pas mal ça dans le fond dans Twisted, c'est un peu ça, c'est qu'il y en a une qui dit ben faut que t'inclines rapidement, l'autre il dit faut que tu fasses le tour au complet, l'autre il dit ben faut que tu passes de gauche à droite sans arrêt bien rapidement, il dit bouge pas, ouais. Bouge pas, il est difficile des fois, t'es dans le feu de l'action pis t'es prêt à swinguer à console. Exact. Là. Parce que moi aussi, j'ai le jeu, là. C'est un de mes jeux préférés d'ailleurs sur la GBA. J'aime vraiment, là. Puis il y a beaucoup de richesse en termes de mécanique. C'est vraiment, en fait, du micro game design. WarioWare, c'est vraiment comme... OK, ça, c'est du timing, puis là, t'as différentes déclinaisons de difficultés sur cette mécanique-là de timing. Puis, en tout cas, moi... Puis le look, il y a tellement de look dans ce jeu-là, puis je trouve que c'est un peu Rhythm Heaven qui a pris le flambeau des WarioWare, tu sais. Mais Rhythm Heaven, ça s'adresse à un autre public, tu sais. C'est plus c'est un jeu de rythme. Tandis que là, c'est si t'as pas de rythme, tu vas réussir à WarioWare. Ça n'a aucun rapport avec un jeu de rythme. Mais là, Bruno, maintenant que t'as pigé ce jeu-là, c'est un bel addon. Faut que tu me dises les vraies affaires, tu sais. Ouais. Quand t'as designé Dirty Gary, tu sais. T'étais-tu fortement influencé par les WarioWare? Ben oui. Parce que tu sais. Ben, c'est dans ma série de jeux préférés. D'ailleurs, là, Dirty Gary. Ouais. Petit fun fact pour les 5 personnes que ça intéresse. au départ, il était supposé d'avoir 25 jeux dans Dirty Gary. Attends, on va dire c'est quoi Dirty Gary, tu sais. Oui, à l'époque, du début du iOS, puis les jeux commençaient sur téléphone mobile à puis surtout t'sais. Même sur iPod Touch. Ouais, iPod Touch, en fait, qui était gros. Les gens avaient des iPod Touch. Bruno a fait un jeu, tu sais, avec un collaborateur, tu sais, puis ça s'appelle plusieurs jeux, mais un, entre autres, Dirty Gary, tu sais. Ouais. Ça se trouve-tu encore sur l'iOS? Oui, ça se trouve encore sur l'iOS Store. Je vais aller checker ça, tu sais. Sur l'App Store, c'est Dirty Gary, puis en fait, c'était 5 jeux, puis le but du jeu, c'est que Gary, c'est un gars qui est dégueulasse, puis il faut que tu le nettoies de plusieurs façons. Puis là-dedans, t'as un platformer, t'as un brick breaker, puis c'est ça. Il y a comme un jeu de rythme, ça. Ouais, il y a un jeu de rythme aussi. Il faut que tu brosses ses dents, puis en fait, c'est comme un Simon. Fait que ses dents highlight de certaines façons, faut que tu refasses le même pattern. Fait que tu sais, c'était des jeux que moi j'aimais bien, puis je me suis dit, ben ça va être comme un genre de hommage à ça, mais rapide, tu sais. C'est comme ces 5 mini-jeux, mais des jeux auxquels tu peux jouer souvent. Ouais. Puis c'était 99 ça. Ah, ben écoute, je vais aller voir ça, c'est sûr. Ouais. J'ai tout fait, j'ai fait la musique, j'ai fait le graphisme, j'ai juste pas fait le code en fait. Là. Ok. Fait que, pis c'est d'ailleurs le gars qui a fait le code qui a dit comme hey, 25 Chris calme-toi. Mais non, c'est on trouvait des images, des beaux moments. Ben ouais, il y a un trailer sur YouTube. Ok, nice. Ouais. On va checker ça. Je pourrais linker dans l'épisode au pire. Le chat sort du sac. J'ai fait ça, puis j'ai fait un jeu de hockey. Moi qui connais très bien le hockey. C'est ça, ton commentaire de tantôt, tu sais. C'est quoi Nashville, tu sais. Bizarrement, beaucoup de tie-in avec le hockey dans tes affaires. J'ai énormément de tie-in avec le hockey. Mais écoute, c'est ce qui prouve que c'est un sport magnifique qui dépasse les frontières. C'est ça. Ambassadeur NHL. Bon, ouais, exactement. Moi, y aller, moi, passe-moi à Puck, moi, t'en fais des buts. Ouais. Mais ouais. Je suis bien content de partager ça. Bref, une belle piche en boîte, ça. Oui, vraiment une très belle piche. J'étais content que ça soit ça cette semaine. Parce que en fait, non, il y en avait un autre avant, puis j'ai fait un fuck it. Tu dors en temps. J'avais pogné Star Trek. Oh boy. J'ai pogné ça dans un lot que le King m'a fait. Puis j'aime tellement pas Star Trek. De longue haleine. Ça parle à la fun. Non. Ouais, c'est ça. C'est intéressant à regarder Star Trek, mais les jeux, je sais pas. Ouais. Qu'est-ce que tu t'attends? C'est comme c'est lent. T'sais. C'est des jeux d'aventure, quoi, hein? D'exploration souvent. Exact. C'est des simulateurs de vaisseaux. Là, c'est ouais. Faudrait pas en parler comme en mal parce que là, je sais que Eric Hébert et Mario vont. Ouais, le Trek Pod. Ouais, ouais, non, c'est ça. Mais je dis juste, j'ai pas joué à ces jeux-là. Puis bien que les séries m'intéressent, le jeu, tu sais, c'est. Peut-être ouais. Super slow, hein. Peut-être si M. Gagnon revenait, tu sais, avec exact. Un slow gaming au max. Je pense que t'sais. Ben aimerait vraiment ça. Ouais, c'est ça. Slow gaming de Star Trek. Ouais. Fait que là, t'es rendu yes. Où dans la ben ruée? Oui. Hey, la ruée d'Henri. Fait que je sais pas si. Oh! Yeah! Ah, voilà. Yeah. Avant que je demande. Ben écoute, cette semaine, on va faire ça vite parce qu'on se rapproche de la fin, puis Dom est plus là. Fait que, tu sais, Dom a terminé son set, puis là, je suis comme. Il met plus le show, il est parti. C'est ça, ouais, je suis comme la 8e position à Mario Kart, tu sais, qu'il faut qu'il finisse quand même la track, même si tout le monde a terminé. Tout le monde te regarde. Fait que, si on regarde la semaine dernière, qu'est-ce qu'on avait? Il m'en manquait 4. Et puis cette semaine, écoute, j'ai presque fait un ace, je sais pas comment l'appeler. Mais il m'en manque seulement un maintenant. Un trou d'un coup. Yes. Donc, je vous montre ça assez rapidement. Donc, le premier jeu cette semaine que je rajoute, c'est Wings World. Donc, un excellent mauvais jeu. Donc, je vous conseille vraiment pas. J'ai essayé ça rapidement, là, puis ça a vraiment pas rapport. Là. T'es genre, ça a commencé, tu jouais Guard dans un magasin avec des tambours géants à tirer du gun sur des trompettes animées. Là. Je peux pas expliquer ça. C'est THQ qui avait fait ça à l'époque. Ben oui, c'est THQ. THQ ont comme un espèce de recueil de supplices de toutes leurs créations d'avant. Puis là-dedans, c'est dur d'en trouver des. C'est drôle parce que moi, j'ai pas joué à la version NES, j'ai joué à la version Super NES. Ah, c'est terrible. Que Super NES là, qui arrête pas les trois voice samples qu'il rejoue toujours. Ouais. Là, c'est... Mais bon. Bref, ça, je l'ai acheté sur eBay parce que maintenant, j'avais pas le choix. Il fallait que ça se finisse. Tu veux accélérer ça. La seule affaire qui était de le fun, c'est que le gars, il dit qu'il était endommagé parce que l'étiquette sur le dessus était comme toute décollée. OK. Puis il faisait comme 30-40 pièces moins cher que d'habitude. Puis ouais. Envoie-moi une photo pour voir. Puis finalement, l'étiquette était correcte. C'est juste qu'elle était décollée. Fait que, ben, pour 30$, je l'ai recollé moi-même. Ben juste, oui. Juste genre de gars-là. Si je peux sauver 30$, je le sauve. Ensuite, les deux autres jeux que je rajoute à mon set me viennent du King, de ce fameux King de Saint-Eustache. Yes. Il s'agit de deux excellents jeux, soit Alfred le Poulet et Mickey Mouse dans la chasse aux chiffres du pays des chiffres. Donc, c'est pas des jeux... Il paraît qu'Alfred Chicken, c'est très bien, mais moi, vous comprenez, la biologie étant mon point fort, un poulet qui s'appelle Alfred, ça serait supposé être un coq, mais bon... Oh. Je vais la laisser passer celle-là. Donc évidemment le King quand il se rend compte qu'il lui manque des boîtes dans sa collection de NES, il est prêt à vraiment collaborer pour trouver les jeux. Donc on a trouvé deux copies super belles sur eBay. Il a gardé les boîtes manuelles et tout, puis moi j'ai ramassé les belles cassettes. Sinon j'ai fait une petite bifurcation cette semaine, puis j'ai trouvé une variante d'étiquette sur le jeu. Oh, donc Dieu. Pour Gunsmoke, qui a deux pochettes, donc pas deux pochettes, qui dit deux étiquettes. Labels. Donc un autre beau label de Gunsmoke. C'est le laser Capcom. Là, oui, c'est yes, important exactement. De montrer parce qu'il est superbe. C'était beau ça. Donc là, malheureusement, j'avais commandé un autre jeu la semaine dernière, le dernier qui me manque. Et lui, il y a toute une aventure qui l'accompagne. Donc, ce sera la semaine prochaine parce qu'il est à Erlanger. Donc, ceux qui ont déjà commandé des jeux sur eBay et qui sont passés par le Global Shipping Program connaissent l'enfer sur Terre baptisé Erlanger, Kentucky. Donc, où les jeux partent d'à côté de chez toi, s'en vont dans le Kentucky et ensuite reviennent parce que eBay te les envoie. Donc, shit! Voilà. Ah. Mais même si on termine, on voulait transformer ce petit segment-là parce qu'on avait reçu des bons commentaires. Les gens aimaient ça, le petit côté collection et tout. Donc, on va transformer le segment à l'avenir pour les appeler les aventuriers de l'or gris. Super de beau. Toujours un excellent visuel. Toujours un excellent visuel. Photomontage fait sur mon heure de lunch passé au Prisma. Donc, il donne ses trucs en plus, c'est bon. Ben oui, donc on va quand même parler un petit peu de collection. Donc à l'avenir, on va garder l'aspect collection ouvert. Puis cette semaine, ben je vais vous parler d'une petite anecdote qui est arrivée. En fait, comme vous savez, les ventes de garage sont recommencées. Puis moi, j'aime bien ça, faire les ventes de garage. Ouais. Mon ami T-Joe que on a immortalisé eh oui. cette semaine. Ça, on va le monter proche. C'est un guitalélé ou un ukulélé? Je sais pas, en fait, je suis allé fouiller dans son Facebook, puis je suis pas sûr qu'il est con. Je sais pas si c'est une photo qui avait un historique quelconque, là, mais bon, je lui ai volé. Parce qu'il collectionnait ça avant de collectionner les cassettes. Ça, exactement. Là, ouais. En ce moment, on est vraiment en train de le chimer, j'aime ça. Donc, comme je disais, nous, on aime ça faire les ventes d'un garage le samedi matin, se lever à 5h30, puis à 6h30 être dans le char avec ben du Red Bull. Puis on s'est promené pas mal en fin de semaine, puis on est allé à une place vraiment extraordinaire. Donc moi puis Joe, notre rêve, c'est d'avoir le droit de rentrer dans une maison de hoarder ou dans un bordel total sous la promesse d'y trouver de la grise cachée. Donc cette semaine, ça s'est produit. Donc on roulait en voiture dans le milieu de Saint-Anne-Arrière, si on a... puis on a vu une maison avec une affiche écrite « Méga vente de garage ». Puis on a pris une photo, je pense que tu peux la montrer, Jeff. La voici. On peut voir que l'ancien propriétaire, parce que les gens qui sont là maintenant qui font la vente, c'est pas eux qui ont rempli cette maison-là. Mais on se doute que l'ancien propriétaire, il y avait un petit problème de hoarding. Et évidemment, on a demandé la question qui tue, est-ce qu'il y avait des jeux vidéo? Puis les gens nous ont dit que oui, il y en avait sorti plein l'année passée, mais qu'il y en avait peut-être encore à l'intérieur du grenier. Et là, j'aurais dû t'envoyer. C'est sûr que vous capotiez, là, tu sais, votre cœur devait battre avec une petite folle. Vous pouviez. Évidemment, plus. C'est sûr que là. Un stadium event là-dedans. Ah, c'est ça. Là, nous, on s'attendait à tout. Fait que là, tu sais, ils nous ont un peu vendu la patente en nous disant là, vous ferez attention dans le grenier. C'est vraiment très serré, mais si vous avez des flashlights avec vous, ça serait vraiment utile. Puis tu sais, Joe, c'est un plombier dans la vie, donc il y a toujours une flashlight avec lui dans ses poches. Mais comme de fait, on est allé rentrer dans cette maison-là, mais c'était vraiment la pire affaire que j'ai vue dans ma vie. On était dans un grenier, mais tu sais, quelque chose qui était rempli vraiment de toutes les années 60-70. Tout était brun et vert. Ça sentait la boule à mythe. C'était dégueulasse. Les planchers, ça bougeait. Écoute, on aurait pu... Genre, un seul faux mouvement aurait pu nous assurer une mort subite, écrasée sous la patente. Écoute, c'était un grenier, mais il y avait tellement d'affaires là-dedans. Genre, il y avait beaucoup de pornographie aussi des années 70. Donc, on a raison d'en acheter un peu, mais bon, on est cheap sur nos dollars. C'est correct de dire ça en ondes, tu sais. Ben oui, on sait ça. La vraie histoire de maintenant, la porno. Maintenant, vous savez c'est quoi la boîte bizarre que j'ai dans ma salle de bain. Mais bref, fait qu'on est allé fouiller là-dedans, puis là, maintenant, on était obligé de choquer parce qu'on était sûr qu'on allait revenir avec de l'herpès préhistorique ou quelque chose de dangereux, là. Fait que, mais on n'en a pas trouvé, malheureusement. On a quand même trouvé des belles choses cette journée-là. Je regarde juste le bureau et le visuel. Mais bref, on a une vidéo qu'on je pourrais peut-être partager éventuellement sur Facebook. Mais c'était vraiment une expérience. C'était pas l'expérience qu'on voulait vivre de trouver des cassettes cachées dans de la cochonnerie. Mais on a vécu quand même la partie de l'expérience qui était être dans des piles de cochonnerie. Donc voilà. Donc cool. C'était nos aventures de l'or grise cette semaine. Donc hey, d'ailleurs, je me suis rendu compte, on est vraiment le côté casquette ce soir, c'est le fun. Ouais, non, c'est ça. C'est comme un côté casquette et un côté propre. On a aussi des chandails gris. C'est ça, on sait qu'on a noir à l'écran, tu sais. Des voyous. Qui parlent de rétro super sur nos chandails en plus. Ah oui. Côté voyous, c'est bon ça. Ben voilà, côté donc la semaine prochaine, on devrait terminer ça, ce set-là, avec la dernière cassette, puis une belle aventure là-dessus aussi. Cool. Quand même. Et toi, JL, tu es rentré dans un nouveau monde. Je suis maintenant dans le monde de la réalité virtuelle. Ouh! Je me serais mis de l'écho si je pouvais m'en mettre là-dessus. C'est ça, c'est la pédale est trop loin. Ouais, non, au Weekend Gaming, Bruno, toi et moi, on a essayé le HTC Vive que Carl Robert avait amené. Oui. Puis je te jure, j'ai mis le casque à la tête et j'ai fait « Wow, on est rendu là pour vrai maintenant ah, dans le VR ». Je viens de me créer un besoin. Carl, tu me fais chier, tu viens de me créer un besoin. Fait que là, il y a un alignement de planète qui s'est fait. En tout cas, rapidement, j'étais capable d'upgrader mon ordi vraiment à fond avec une GTX 1080. Puis j'ai eu l'argent pour lâcher la HTC Vive. Fait que, ah ben ouais. On le voit pas. Là, peut-être que le monde le voit sur le mur. Il y a un fil à star qui pend. Là, j'ai des lighthouses dans les coins qui track la pièce en 360. Et je serai donc... votre guide dans l'univers du VR les prochaines semaines. Là, c'est fantastique, ça. Je vais essayer de vous... Sherpa du VR. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux en VR, en fait. Ouais. HTC disait qu'il y avait genre 1500 jeux de sortie sur Steam. C'est il y a beaucoup de tech démo, mais il y a beaucoup de petits bijoux cachés là-dedans. Fait que faut... Non, là, on parle pas de la porn. Là. Non. On parle de jeux. Il y en a beaucoup qui sont légalement. Ouais, il doit en avoir beaucoup, mais. Tu parles-tu de Virtual Valerie? Non. Malheureusement. Valerie VR. Hey, ça roule en mais je pense qu'on doit avoir certains amateurs de jeux PC des années 80. Ah oui, ah oui. Ils sont crampés. Puis ils disent, oh, je vais aller fouiller dans mon garde-robe. Ils vont sortir Virtual Valerie. Je fais une recherche internet, mais pas au travail. Ouais, ouais, ça c'est vrai. Je pense que, à mon souvenir, c'était même pas si hardcore. J'ai jamais joué, en fait, c'est ça? Non. Moi, c'était comme le Saint Graal du jeu. Semi-érotique, tu sais, puis tout le monde voulait ça, mais j'ai jamais joué. Fait que bref, 50% de mon achat impulsif revient à Carl Robert des Boy Chasers, et l'autre 50% revient à Mathieu Bonin de Divan Quest. Oui, avec qui je travaille, qu'il y en a un chez eux, puis qui m'a comme un peu poussé à l'acheter. Je le dis comme ça. Fait que c'est comme un genre de regroupement à trois qu'on a fait. Ah, quand ils vont, je me l'achète, tu sais. Fait que cette semaine, je vais vous parler du jeu qui s'appelle Super Hot ou bien. Super Hot. Comme on l'entend très souvent dans le jeu. Super Hot. J'ai mal entendu. On va le remettre à faire. Hot. C'est Super Hot. H-A-W-T, le Hot. Fait que je vais vous mettre du gameplay et je vais vous expliquer ça rapidement dans le fond. C'est un jeu qui existe déjà en version console, en fait, ça. Et donc là-dedans, OK, on est dans un univers où tout est blanc et les ennemis sont en rouge. Des genres de silhouettes. Puis on vous fait commencer dans une situation et le temps est arrêté. Puis la twist de ce jeu-là, c'est que le temps avance dépendamment de les mouvements que tu vas faire. Fait que plus tu bouges vite, plus le temps va avancer vite. Si tu figes, le temps arrête. Donc là, tu commences, tu vois qu'il y a plein d'ennemis qui s'arrivent vers toi. Il y a des gens avec des guns, il y a des gens avec juste leur poing. Devant toi, t'as un fusil, des fois t'as un cendrier, une bonbonne de quelque chose. Puis là, faut que tu figures, OK, qu'est-ce que je vais faire? Ça va être quoi mon enchaînement pour battre tout le monde puis passer à la prochaine étape du tableau, dans le fond? Ça a l'air malade. Ah, ça, en 360, c'est complètement débile parce que tu te reviens, t'as les guns arrière, les guns avant, puis là, t'es dans la matrice complètement. Là. Okay. C'est carrément ça. Là, tu vois, tu tires un gun, le gars, son gun, il revole dans les airs. Tu peux l'attraper dans les airs. Fait que t'es là, puis tu fais des mouvements là, vraiment au ralenti. Moi, c'est ça. Je pense que la vraie vedette là-dedans, ça serait toi. Faudrait qu'on voit comment. Si ça intéresse le monde de me voir avoir l'air épais, je pourrais peut-être le mieux. Je pourrais le faire. Ça, un stream de ça, moi, j'achète. Ben ça, si les gens sont intéressés à voir des streams de moi, je pourrais pas répondre aux questions par contre parce que je vais avoir un casque. Tu pourras pas voir en VR, tu sais. Mais maintenant, il y a de l'incrustation qui se fait avec du green screen que tu peux mettre le gars dans le jeu en 3D. Mais là, ça me prendrait peut-être un autre ordi à côté qui va vous dire ça. Ouais, guys, un autre Patreon. Let's go, les Patreons. Un autre besoin qui se crée. Bref, ce jeu-là est extrêmement satisfaisant à jouer parce que quand tu pognes la twist et que tu te mets à garrocher des guns dans les airs puis à pogner des épées et toutes sortes d'affaires, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est un jeu qui était disponible il y a quelques mois sur Oculus Rift seulement, qui est l'autre gros casque VR en fait. Ouais. Il est sorti sur Steam cette semaine, donc j'ai pu l'essayer, je l'ai clenché dans un settings. Il y avait un achievement quand tu le finissais qui était « What the hell is wrong with you? » Puis c'est comme « T'as fini le jeu d'une shot, c'est quoi ton problème? » Est-ce que t'as eu mal à la tête? Non, j'ai eu très chaud par contre. Ouais. Il faisait 21 dans le bureau, j'ai fini, il faisait 27, j'étais en sueur. C'est puis, comme un j'avais mal dans les genoux, là, j'étais couché à terre à un moment donné. Là, Est-ce que tu recommandes de jouer en sous-vêtements? Oui. Okay. Oui. Chaudement. Oui, ça te dérange pas de te sacrer à terre sur le prélard en bobette. Là, parce que tu vas te ramasser très souvent couché à terre à essayer de te cacher derrière un meuble qui n'existe pas. Puis ta blonde te regarde dans la porte à rire après ça. Fait que c'est divertissant pour toute la famille. Ça. Est-ce que tu t'es blessé en jouant ça? Blessé, non. Je suis raqué de l'épaule. J'en parlerai à un moment donné. Puis j'ai vraiment mal dans les genoux parce que je me sacre à terre vraiment ses genoux rapidement. Puis sur le plancher, sur les genoux. Je vais sortir mes genouillères de lutte bientôt. Ouais, exact. Je vais ramener bon, ça. Ou des genouillères de jardin. Oui, comme Mathieu s'est acheté puis que ça, il m'a dit que ça le fait glisser sur son plancher, lui, ça. Fait qu'il a arrêté de la mettre, là. Donc, c'était mon jeu de la semaine. Prochain coup, je vous parle de Escape Room en VR parce que c'était une des très grandes raisons pourquoi je voulais acheter un casque de VR parce que je suis un grand fan de salle d'évasion. J'en ai fait peut-être 35 à date au Québec, là. Avec Ellie, justement, puis notre belle gang, là. Platiner le Québec. On essaie de platiner. On est dans les top teams au Québec. Mais je vais vous parler des meilleurs jeux d'Escape Room, dont I Expect You to Die, qui est un excellent jeu, qui était sorti sur PSVR. Ouais. C'est très, très bon. Puis, spoilers, moi puis Mathieu, on est en train de coder peut-être un jeu de VR d'Escape Room. Peut-être qu'on a un autre nouveau side project qu'on est là-dessus. Là, je l'ai dit juste pour qu'on se mette de la pression nous-mêmes, là, mais... Avec fait que t'as dit que toi et Mathieu Bonin... Yes, on est en train de... On a parti un projet sur Unity à deux, puis on est en train de regarder comment on construit ça, puis on va se faire un jeu d'Escape Room. Nice. Doigts croisés. J'ai aucune expérience en production. The pressure is on. Yes. It's on. It's on. All right. Fait que c'était le jeu VR de la semaine. C'est excellent, ça. Bien, on va faire la soundtrack, ça. Ouais. Mais merci d'avoir fait ça, c'est cool. Si vous voulez me voir en VR, je peux faire des streams. Envoyez vos commentaires si vous voulez me voir faire des VR. Surveiller dans la fenêtre de son ouais, vous voir, salon. Moi, je vois rien. Mais oui, j'ai un casque à la tête. Ouais, je joue au golf tout seul à mon bureau. Là. Épier JF en bobette qui sue sur son prélard. Il a marché. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue à des jeux vidéo. Es-tu certain? Hey, je savais même pas. Il y a des jeux en multiplayer en VR. Puis j'ai joué avec Mathieu justement à un genre de jeu de Laser Quest que t'es à deux puis tu bats contre des robots. Débile, complètement okay. Débile. Ça a l'air que je vais aller sur DivanQuest pour en parler de notre expérience de multi bientôt. Mais moi, j'ai fait un truc semblable à la ronde en 93. Le volcanosaure? Non, du vrai VR où c'était comme un Laser Quest que tu voyais le laser, tu sais. Nous, on se disait, l'avenir, c'est fou, ça s'en vient. T'sais, ça a pris quelques années avant que ça se démocratise. Mais là, je te jure, on est rendu là. Ouais, mais écoute. Si t'as l'ordi pour le rouler, là, on est là, mais. Ouais, malheureusement pas, là, mais. Ouais. On va voir. Déception. Voilà. Ouais. Viendrait juste chez nous. Ouais, c'est une bonne idée. En bobette, les deux. Maintenant que le studio est rendu plus permanent, faut que je le démonte pour pouvoir jouer. Ouais, c'est ça. Un mal pour un bien. Bon, mais on a fini l'intro. Ouais. On a-tu des critiques? Non, c'était pas l'intro, c'était Varia. Ah, c'était Varia. J'ai catégorisé ça différemment. On a changé le nom pour être sûr qu'on soit plus autant. Ouais. Parce que l'intro est longue, mais c'est pas vraiment une intro. Non. C'est Varia. Mais c'était un beau segment. Ouais. On va commencer. À fond dans les critiques parce que malgré que Dom soit pas là, on a quand même 4 jeux à clencher. Donc, Quelqu'un qui demande dans le chat, c'est qui sur la photo? Quelqu'un qui vient de se joindre à nous, en fait. C'est. C'est Marcel. Il s'appelle. Marcel, hey, c'est Tidjo, attends un peu, là. Il existe, Tidjo, là. C'est Tidjo, il existe. C'est notre nouveau running guy. Un bon gars. Ben, il est fantastique. Au sein de l'équipe de Rétro Nouveau, on n'est pas certain que cette personne existe vraiment. On pense que c'est des stocks photos d'iStock. J'ai eu un ami imaginaire qui traîne depuis sa tendre enfance, mais qui n'a jamais disparu. Puis Photoshop un peu partout des affaires. Fait que, en tout cas, moi, c'est aucun manque de respect pour la personne elle-même, mais on pense juste pas qu'elle existe. Mais c'est correct. On va voir un jour. Bon. Fait que Nick, t'es le premier en critique ce soir. Ouais, joue à quelque chose, Nick. Moi, je joue à quelque chose au lieu d'insulter des gens. Je suis désolé, Fred. C'est correct. Moi, quand il est brisé un peu, ça. Injustice 2. Ou Injustice 2. Est-ce que c'est la suite du premier Injustice? C'est la suite d'Injustice Gods Among Us, qui était un excellent jeu, qui était un peu pour la génération passée, en fait. Oui. Moi, j'avais joué sur Wii U, que j'avais bien aimé. Donc, en gros, c'est développé par Netherrealm Studios. Si vous dormez sous une roche depuis les années 90, c'est les gens qui sont responsables de la franchise Mortal Kombat. Ouais. Donc, et on se fait le premier Injustice. Donc, Ed Boon et sa gang. Publié par Warner Brothers Interactive Entertainment. C'est disponible sur PS4, Xbox One. Et il y a aussi des ports Android et iOS qui sont comme un toned-down version, un petit peu comme il y avait dans l'autre, avec des mécaniques spéciales de swapping. J'ai pas joué. J'avais joué à l'autre version. C'est quand même un produit intéressant mobile. C'est le fun. Mais c'est un autre jeu sur une base très, très commune. Mais c'est tout à fait un port, là, on pourrait dire. Là. Ou en tout cas, pas un port, mais plus un... C'est un jeu à part. Ouais. Ah, d'ailleurs, on remercie les gens de Warner Bros. Pour la copie du jeu. Tout à fait. Donc, c'est excellent. Alors, c'est quoi ce jeu-là? Ben, grosso modo, c'est imaginer une mécanique de combat relativement semblable à Mortal Kombat, mais un petit peu plus smooth, plus fluide. Il n'y a pas le bouton bloc. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Non, c'est un bloc par en arrière, comme dans 98% jeux de combat. Fait que ça se fait assez bien. C'est assez intensif au niveau des combos. Il y a des pop-up combos, un peu comme Mortal Kombat. T'sais, on reconnaît la touche, vraiment, le NetherRealms, là. C'est vraiment... Mais en même temps, Injustice a sa propre personnalité. T'sais, si vous avez joué à l'autre, vous allez être très familier. Il y a beaucoup de mécaniques qui reviennent, comme, par exemple, une des marques de commerce, c'est l'utilisation de l'environnement qui avait amené après ça dans le dernier Mortal Kombat. Ben, tu peux pogner, genre, le personnage, tu l'envoies dans le background, il smash la face, il retombe à terre. Tu peux pogner une voiture puis la pitcher, tu sais, sur ton gars. Puis c'est assez satisfaisant quand même. Puis dans Injustice 1, des fois, c'était une mécanique un peu frustrante parce que tu pouvais pas bloquer ces affaires-là. Mais là, maintenant, en fonction de la grosseur ou des affaires, tu peux faire des choses comme ça. C'est comme un counter, j'imagine, pour ça. Ouais, ben, tu peux les bloquer à certains niveaux. Okay. Là, ce qu'on a vu à l'écran, c'est le super move, tu sais. En bas de l'écran, on voit que tu as des jauges... De super pouvoir comme dans Super Chat. Ouais, dans plusieurs jeux vidéo. T'en as 4, puis quand tu en as 4, tu peux faire ton super move qui est vraiment over the top. Tu sais, par exemple, Batman, c'était qu'un rang, tu sais, il te pogne, il te sac sur un hook avec une espèce de bat. Bat corde. Puis là, il te ramène, il te shoot dans les airs, puis là, t'as le Batwing qui te shoot, tout, qui te mitraille, tu sais. Là, c'est comme, pis ça, c'est in-game, c'est des très belles cinématiques, puis ça brise pas le flow, là, tu sais. Vraiment, là, tu le vois, là, quand tu t'arrives, t'as quand même 2-3 secondes, pis t'as dit, oh, schnout, man, ça m'arrive, là. Mais c'est spectaculaire, puis intéressant, puis honnêtement, c'est le fun à regarder, puis même quand c'est toi qui manges ça, comme on voit Supergirl, regardez, elle t'amène sur le soleil, littéralement, tu sais, elle te pisse dans l'espace, lance des yeux, une météorite, tu sais. C'est over the top, là, tu retombes sur la terre, tu sais. Mais c'est tout des super-héros, fait que, tu sais, ça, c'est vraiment bien fait, puis dans l'univers, je trouve que ça fit parfaitement. Ouais. Mais justement, quand t'es fait traverser stage, j'avais entendu, il me semble, que dans le deuxième, t'as plus de traverses de stage. Ouais, en fait. Les transitions entre les stages, là, fait que des fois, tu bûches quelqu'un, il passe au travers le mur, il se ramasse ailleurs. C'est vraiment. Il y en a plus, oui, mais il y a tout. Un petit peu de plus de tout dans ce jeu-là que dans le 1. Okay. C'est vraiment une super belle suite, on peut dire, par rapport à ça. Mais tout à fait, tu sais, les transitions entre les stages sont vraiment super. Là, tu ramasses quelqu'un, tu sais, tu s'en vas à un autre niveau. Des fois, tu t'en vas dans le fond de l'eau. C'est vraiment bien fait. Ils ont rajouté 2-3 petites nouveautés, on peut dire. Comme par exemple, il y a une espèce de air escape où tu peux t'échapper d'un combo dans les airs. T'as une espèce de roll que tu peux faire, tu sais. Donc, somme toute, c'est relativement intéressant. C'est assez simpliste. C'est un jeu de combat qui a été pensé pour les consoles. Donc, tu as véritablement 4 boutons, tu sais, que tu vas interagir plus. Puis, tes super moves, ben, c'est juste tu presses 2 boutons, les triggers dans le fond. Là. Fait que ça se fait vraiment bien. OK, fait que ça a été simplifié quand même. Mais tu sais, ce jeu-là est né à la base sur les consoles. Fait que les contrôles de base sont déjà bien faits. Fait que ça, c'est le fun parce que moi, j'étais un gros amateur de stick. Je joue toujours avec mon Fight Stick à Street Fighter. C'est même Mortal Kombat, bon, ça joue bien sur un pad, mais j'aime mieux le stick. Mais là, lui, je l'ai essayé les deux, mais je préfère quand même la manette. C'est juste le fait que je peux être lâché dans mon divan. Le stick marche bien, mais les contours sont tellement bien faits sur une manette que j'ai pas trouvé qu'il y avait un nécessaire besoin pour le stick. C'est sûr que j'ai pas atteint le niveau ultra compétitif là, de fou, là, mais il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de pad players au niveau des pro players d'Injustice. Fait que dans le fond, probablement que ça va rester la même chose. Le premier story mode était comme vraiment captivant, c'est ça? Ben ça, en fait, là, c'est un peu la suite, mais ça se passe dans un des multiverses, dans le fond, de DC Comics, que moi, je connaissais pas vraiment. Je connais pas tant que ça, DC Comics, au niveau des multiverses. Puis ça, c'est le multiverse où, dans le fond, Superman s'est fait tricker par le Joker. Puis il a comme donné un gaz, puis il est viré fou. Puis il a tué sa femme, Lois, et son enfant. Fait que là, Superman est devenu super vindicatif, puis il veut juste tuer les vilains. Puis il a tué Joker. Puis là, Batman, qui reste le bon gars, tu sais, il veut essayer d'arrêter ça, puis tu sais, il devient genre le maire ou je sais pas quoi. Puis il a fait emprisonner Superman parce qu'il avait fait des crimes, tu sais. Ça, c'est la prémisse de base. Là, après ça. Au début, je vais donner les mini spoilers, mais c'est juste au début de l'histoire. Elle est passionnante, elle est longue. Fait que ça juste rien. Que tu me dis, ça me donne le goût de jouer. Mais là, dans ce multiverse-là, là, Batman il est là, puis il y a Robin. Robin est vraiment super cool. Il y a comme un capuchon comme, mettons, Enzo dans Assassin's Creed. Puis il y a une épée. Puis c'est le fils à Batman. Ah, Damien. OK, est-ce que Superman est tout mec dans une cellule? Non, il est pas tout mec, mais il est emprisonné, par contre. Ou va pas le soleil, OK, exact, c'est ça. C'est dans l'univers des comics, dessins animés en ce moment, je pense, de DC qui ont fait ça. C'est ça, c'est un des multiverses, puis c'est celui, je pense, qui est populaire, on pourrait dire, ces temps-ci. Mais Robin était écœurant. Damien, il est vraiment violent. Ouais, c'est ça, c'est Damien. Puis d'ailleurs, tu sais, en tout cas, là, je vais pas donner plus de punch dans l'histoire, mais il y a 12 chapitres intéressants. Okay. C'est vraiment bien fait. Elle est passionnante, l'histoire. Ils te font jouer. T'sais, Harley Quinn est bonne là-dedans, parce que Joker est mort. Puis là, elle travaille avec Batman. C'est vraiment... L'histoire est vraiment bonne. Fait que, tu sais, ça, là, faut que je donne un plus à ce jeu-là. T'sais, un peu comme Mortal Kombat l'avait fait. Contrairement à, ma franchise fétiche de Street Fighter, le story mode était correct. T'sais, mais un peu mais c'est ça. T'sais, c'était comme broché, c'était slap ton. C'était pas super polish. Ça, c'est... T'as plein de cinématiques in-game, puis c'est le fun. T'as des cinématiques entre les choses. C'est bien fait. L'histoire est intéressante. T'sais. Fait que la seule affaire qui a un bémol un peu, tu peux plus ou moins jouer des vilains. Tu joues pas mal toujours le bright side. Ok, si t'as pas les deux côtés. Non, pas vraiment. J'aurais peut-être ajouté ça, mais c'est pas grave. C'est tellement bon, là, c'est vraiment cool. Les bonhommes sont-ils tous disponibles dès le début si tu veux jouer en multi ou faut que t'aies des barres? Oui et non. T'sais, en fait, il y a 28 personnages, mais il y en a deux. Ah, 28. Ouais, c'est beaucoup. Puis il y en a plein. Ils ont vraiment beaucoup. Ils ont creusé loin. Là, t'sais. Tu regardes, il y a tous les ceux que tu t'attends. Là, mettons Batman, Bane, Superman, Supergirl, t'as Cyborg, t'as Deadshot, Robin, Nightwing. T'as Aquaman, que je sais que vous attendez toujours Aquaman dans un jeu, mais il est là, tu sais. Il était assez cool. Dans le premier, il était là, puis il était là, malade. Il était cool, puis il était encore cool. C'est mon personnage préféré. Il n'y a plus de barbe là, maintenant, mais il est vraiment nice. Là. Mais il y a Brainiac, qui est un personnage que tu peux débarrer si tu finis le jeu ou si tu l'achètes. Fait que t'as le choix de le finir. L'autre affaire, ben, il y a Darkseid. Puis lui, c'était un pre-order perso. Fait que si tu l'as pre-orderé ou précommandé, tu l'as gratuit, sinon il faut que tu l'achètes. Ouais. Mais tous les autres persos sont débarrés dès le début. Il y avait Red Hood aussi qui ont présenté aujourd'hui. Lui, ça va être un DLC plus tard. Ouais, c'est ça. Il n'est pas là. Là. Ouais. Mais c'est pas grave. T'sais, avec 28, t'as quelque chose à t'amuser vraiment. Bien là, mais donc, tu sais, puis à part le mode. Ah, sérieux, man, ça va vite. Ouais, sorry, j'ai posé plein de questions. Bon, mais garde. Ben, finis tes points, là. Une minute, je finis ça. Ouais. Y a un mode intéressant qui s'appelle le multiverse, justement, qui est comme une espèce de grinding mécanique où tu vas aller chercher, essayer des expériences, OK? Une autre affaire qu'ils ont rachetée dans ce jeu-là, c'est un gear system. Faut que j'en parle vraiment vite. Ouais. Ça donne des bonus, puis tu peux unlocker des costumes alternatifs, des looks, mais surtout des boosts de stats. T'as 4 stats de base, puis ça peut les augmenter. Il y a un côté le fun à ça quand tu joues en single player. En multijoueur, c'est un petit peu moins intéressant. Quand tu joues des rank games où c'est important, où t'as des classements et tout, c'est disabled, là. Ça, c'est pas grave. Mais quand tu joues en mode, amical, si tu veux, comme combat, ben à ce moment-là, il faut que les deux décident de l'enlever. Un petit peu comme à Mortal Kombat à l'époque, à l'arcade, quand il fallait que tu fasses des codes pour enlever les trolls. C'est exactement le même feeling où l'autre, il doit le défaire. T'sais. Fait qu'à date, puis j'ai joué. L'autre affaire qu'ils font bien en ligne, c'est que tu as des niveaux. Fait que là, mettons, moi, j'étais niveau 4, 5, 6. Là, tu te bats contre un gars, niveau 30. Tes chances de gagner sont 2%. Veux-tu jouer, tu sais? Là, ton matchmaking dit, veux-tu jouer contre ce gars-là? Là, je suis comme, au début, oui, une monnaie, tu te fais taper ailleurs. Ah, non. Là, tu dis non, là, t'essayes un gars plus de ta force. Là. Mais c'est vraiment bien fait. Le matchmaking va vite. C'est assez bien fait. Okay. T'as les lobbies. T'as tout ce que t'as besoin. Ce jeu-là est vraiment très complet au niveau de ses features qu'il offre out of the box. Pas besoin d'attendre un DLC là, plus tard. Puis, tu sais... quand même, c'est un bon package. Vraiment, là, un très beau package. Faut que vous aimiez le style. C'est combo intensif, très dark. Mais c'est un peu moins violent qu'un Mortal Kombat, mais il y a quand même pas mal de violence. Le Ultra d'Harley Quinn, tu te fais déchiqueter par des chiens. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment un bon jeu. Je dirais, pour toutes ces raisons, c'est vraiment... Ils savaient ce qui marchait avec la franchise, puis ils ont rajouté exactement ce qu'il fallait. Le gear system, c'est pas pour tout le monde, mais comme quand tu joues des rank games, il est disabled, ça fait exactement la job. C'est vraiment le fun. Puis il y a un petit aspect RPG où tu vas leveler tes personnages. Alors... Pour toutes ces raisons, je donne la note de 9 sur 10. Super jeu. Si vous êtes un amateur de jeux de combat, allez-y. Puis, vous n'êtes pas obligé de jouer en ligne nécessairement. Le single player va vous donner une très belle expérience. Puis, les espèces de grinding quest daily là, qui ressemblent dans le fond là, à le tower là, de Mortal Kombat X, ça va vous plaire en fait. Là, allez-y, beau jeu. Let's go. Un must buy pour les next-gen consoles. Dans le chat room, il y a Marc Prudhomme qui dit que le jeu se passe dans l'univers de la série Gods Among Us. Ah, ben là, tu vois, ça fait du sens, vu que c'est ça. Parce que c'est vrai que j'ai pas dit la bonne affaire, mais je suis pas loin. Écoute, man. On n'est pas des pros de merci, BD. Ouais, c'est ça, mais merci pas, de la précision, Marc. Très apprécié. Ouais. Yes. Belle touche. Merci. Yes. All right. On reste de ce côté-ci de la table, encore une fois. Ben oui, côté calotte. Côté calotte. Côté calotte. Et on enchaîne cette semaine avec une console qu'on parle pas. Ben en fait, qu'on n'a pas parlé beaucoup souvent, je pense. Et crime, non. Qui sort, qui est le TurboGrafx 16. Ouais, alors, TurboGrafx 16, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est une console qui est sortie à peu près en même temps que le Sega Genesis. Une genre de console 16 bits, mais vraiment 8 bits. Qui était distribué par NEC, qui venait de la PC Engine au Japon, en fait, et qui a été nord-américanisé par la compagnie NEC, qui était reconnue pour ses caisses enregistreuses. Donc, une console qui a malheureusement pas eu un gros vécu, mais quand même, qui a un cult following, si on peut dire. Et cette semaine, j'ai décidé de vous parler du jeu Legend of Hero Tonma. Donc, vas-y, Nick, je te laisse faire la demoiselle de présentation. Donc, un jeu développé et publié par IREM, sorti en 1993 au TurboGrafx-16, mais qui était en fait un jeu d'arcade de 89. Et ceux qui ont une Wii à la maison, j'ai oublié de le noter, mais en fait, c'est disponible supposément sur la Virtua Console. Donc, c'est une bonne chose parce que ce jeu-là est le deuxième jeu à peu près le plus rare sur la TurboGrafx-16. Alors, maintenant que tu as fait tous tes sparages avec le jeu, je t'annonce qu'en ce moment, si tu veux acheter le Legend of Hero Tonma sur eBay, il va t'en coûter à peu près 1 400$. Tabarnouche! Parce que c'est le prix de cette copie. Non, mais c'est cool. Moi, j'aurais manipulé plus, avec plus d'attention. Alors, je tiens à dire que je n'ai pas payé 1 400$ pour ma copie. Je l'ai trouvé dans ma ville natale par pure chance. Je suis bien content de ça. Combien? Ah, je l'ai pas payé cher. J'ai acheté dans un lot qui m'a coûté peut-être 100$. Donc, wow! Mais il y avait beaucoup d'autres jeux avec. Donc, alors, comme c'est une version de la Côte-Nord, c'est la légende du héros de Ma. Tomo. Donc, en fait, comme vous pouvez le voir, ben ça ressemble pas mal à un jeu d'arcade parce que, comme je disais, c'est un port d'un jeu d'arcade. Donc, c'est un genre de run and gun mélangé avec un platformer. Ça me fait penser beaucoup à un shmup aussi. Ouais, j'ai joué à ça au WEG. Ben oui, c'est Monsieur Simard qui avait plugué ça. C'est fort possible. Mais en tout cas, continue. C'est un bon petit jeu, en fait, d'arcade. Donc, c'est un jeu qui est vraiment très simple. En gros, on saute et on tire. Donc, on saute quand même pas mal haut. Donc, c'est vraiment très utile parce que, comme vous pouvez le voir, ben là, ça n'a pas encore trop commencé à pogner à marde dans la vidéo qu'on a. Mais il y a beaucoup d'ennemis et il y a beaucoup de projectiles. Donc, c'est important de sauter vraiment haut. Et en plus, notre saut, on peut même contrôler un peu là, la cadence de descente en appuyant vers le haut. Ça, j'ai découvert à la fin du jeu après être mort vraiment souvent. Parce que c'est des mécaniques que tu apprends vraiment à la dure. Donc, bien utile. On peut aussi sauter sur les ennemis comme dans Mario. Sauf que ça les tue pas. Il y a certains ennemis que tu peux tuer à la longue. Mais en gros, ça te permet de rebondir puis de pouvoir accéder à d'autres places. Donc, tu peux vraiment bien tirer d'affaire avec ça. Et évidemment, tu peux tirer un peu comme à la façon d'un shmup, si on veut. Donc, il y a beaucoup de power-up dans le jeu. C'est comme on le voit là, maintenant on a des tirs qui font pratiquement tout l'écran. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des tirs alternatifs. Un peu comme des fois dans les shmups, là, on peut lancer une bombe en hauteur ou un missile qui va coller au sol. Mais ça, il y a ça dans ce jeu-là. Donc c'est un peu spécial au début, mais éventuellement, ça fait en sorte que tu deviens vraiment super puissant. Puis ça te permet de vraiment mieux passer au travers des niveaux. Donc en termes de niveau. La traduction est pas bonne. Ouais. Ça disait. Ça disait tu veux retourner à la place. Ah, c'est terrible. You must regret it later. Il y a du beau broken English. je me suis copié un extrait tout à l'heure justement pour le lire parce que je trouve ça extraordinaire. Bref, les niveaux dans le jeu sont vraiment séparés en deux genres. Donc on a des niveaux qui sont plutôt linéaires dans lesquels on a des segments qu'il faut retrouver des clés pour progresser, mais c'est quand même assez simple, je dirais. Puis on a des niveaux comme celui-ci où c'est très très court, mais ça déborde d'ennemis, puis il faut que tu escalades jusqu'en haut. Puis là, ça a l'air facile parce que la personne a déjà joué. Mais croyez-moi, au début, là, il y a des projectiles partout, tu sais pas vraiment ce qui se passe, puis tu te perds un peu dans le décor. Et c'est assez difficile. Donc, malgré tout, c'est très très court comme jeu. Il y a à peu près 6 niveaux plus un niveau à la fin qui est juste le boss. Donc, extrêmement difficile, ça va être c'est long ça. À finir, En termes de contenu, c'est pas très gros. Le jeu est quand même assez difficile parce que, comme on peut le voir, là, il y a beaucoup de patentes à l'écran et c'est surtout, un peu comme Contra, un hit et tu meurs. Et contrairement à Contra, quand tu meurs, tu recommences le niveau. Donc, par contre, ils sont bien swell avec ça parce qu'ils nous donnent des vies à l'infini. Donc, quand tu meurs, tu peux au moins recommencer le niveau, puis tu sais, tu peux recommencer jusqu'à ce que tu maîtrises la patente puis que tu sois capable de bien savoir. Si tu as mis 1 500$ sur ce jeu-là, tu vas bien pouvoir le finir. Exactement, au moins, tu es sûr de le finir. Sinon, le design des niveaux est quand même assez bien fait généralement, mais il y a beaucoup de random des fois par moment. Donc, il y a des moments où est-ce que on dirait que les affaires n'ont pas spawné correctement puis que toutes les astres s'alignent. On vient de voir ça. Là. C'est ça. Puis ça, des fois, c'est un peu difficile parce que là, quand on peut le voir, le projectile qu'on a à l'écran, c'est une espèce de truc qui fait des waves, ce qui fait que tu n'es pas capable de frapper la bébite en avant de toi. Il faut quand même que tu aies la bonne distance pour la taper, mais là, si on spawnait dans un ordre qui fait que t'es coincé finalement, ben là, t'es comme obligé un peu de manger une shot pour l'équipe. Ça, c'est pas drôle, tes tirs, on dirait qu'il n'y a pas assez de frames dans l'animation. Non, c'est ça. C'est comme. En fait, il y a beaucoup de frames qui ont été coupés, c'est ça. J'ai remarqué j'ai vu la version arcade du jeu, j'ai essayé sur mon même. Et généralement, à l'arcade, il y a un peu plus de détails dans le visuel, mais la version TurboGrafx, c'est quand même one-one avec l'arcade quand même. Okay. C'est les mêmes niveaux, c'est les mêmes trucs. Quand même. C'est juste qu'ils ont été obligés d'économiser certains frames, évidemment, à certains endroits parce qu'il n'y avait pas nécessairement la puissance technique de l'arcade. Mais bon, comme je disais, on meurt souvent, mais on finit toujours par apprendre un peu les patterns, puis on trouve toujours un peu notre chemin pour comment faire pour passer au travers des niveaux, comment éviter les projectiles et tout. Donc, c'est quand même assez intéressant. Aussi, à la fin de chaque niveau, on le voit, là, il y a des boss à battre. Donc, généralement, les boss sont plutôt faciles, puis tu sais, généralement, si le niveau était facile, le boss va être un peu plus difficile et vice-versa. Donc, à part peut-être le cinquième boss, qui est comme une espèce de tête de statue qui te garoche des rushs à l'infini. Puis ça, sérieusement, si tu t'étais pas gearé en conséquence, t'arrives là et t'es vraiment coincé. Ouais. C'est vraiment difficile. Donc, les points positifs que je pourrais dire, c'est ça. Donc, c'est un petit jeu facile à apprendre, c'est sympathique, qui se passe quand même assez bien. Donc, c'est très skill-based. C'est un peu comme Contra, mais c'est un petit peu moins tech que Contra quand même. Ouais. Donc, c'est vraiment un jeu d'arcade fait pour te bouffer des 30 sous, tu sais. Côté graphisme, les graphismes, comme on l'a vu, là, c'est quand même assez coloré pour le TurboGrafx. C'est quand même un beau jeu pour la console. C'est joli. Il y a pas tout le scrolling, toutes les affaires que généralement les jeux de l'époque avaient, ou surtout à l'arcade. Mais bon, c'est la console était faite comme ça, donc on pouvait pas le faire tout simplement. Puis comme je disais, ben ceux qui ont joué à la version arcade et qui ont attendu 4 ans pour pouvoir le jouer à la maison, je sais pas s'il y en avait, mais ben c'était vraiment un bon port de l'arcade. À part au niveau visuel puis au niveau musical, je dirais la transition est quand même parfaite dans le sens que c'est vraiment exactement le même jeu. Puis ça, c'est quand même cool, on le voyait pas souvent. Par contre, j'ai dit le mot magique, là, la musique est, moi je la trouve particulièrement atroce dans ce jeu-là. Là. C'est vraiment étrange, la musique est un peu lugubre, ça fit vraiment pas avec le contexte du jeu. La version arcade, tu comprends un peu ce qu'ils ont essayé de faire puis que ça n'a pas marché, mais sur la version TurboGrafx, là, ça sonne vraiment comme des gears de métal qui rebondissent. Puis c'est un petit peu étrange. Donc, sinon, comme ben évidemment, comme j'ai dit, le jeu est un peu court quand même. Là. Si on sait ce qu'on fait, on est capable de passer au travers de ce jeu-là en une dizaine de minutes, je pense. Là. Donc, évidemment, pour le prix, c'est peut-être pas nécessairement le meilleur investissement temps argent. 10 minutes. C'est ça, ça se fait quand même 150 assez 150 la minute. Puis sinon, le dernier point, évidemment, je pense que en termes de design, comme je disais, en termes de design de niveau, des fois, ça manque un peu de tête. Ouais. IREM, ils sont reconnus pour faire des jeux que on dirait que tout le monde reconnaît, mais qu'il y a rien, on dirait, qui est resté comme dans les annales de l'histoire, tu sais. Parce qu'on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui n'était pas assez tête ou quelque chose qui a fait que ça leur tenait un petit peu en arrière. Puis ce jeu-là, ben c'est ça, tu sais, il manque un peu de... C'est pas mauvais, mais on dirait que ça aurait pu être mieux, tu sais. Donc, somme toute, moi, je trouve que c'est un jeu qui représente quand même assez bien la TurboGrafx 16. Parce que c'était vraiment une espèce de bibit ovni à part, tu sais, comme console. Puis d'avoir un jeu d'arcade comme ça qui sort, tu sais, à l'époque, c'était quand même quasiment 100$ ces jeux-là, parce que c'était des cartouches spéciales et tout. Tu sais, mais un jeu finalement qui dure 15 minutes peut-être quand tu sais ce que tu fais, tu sais. Ben, ça dure pas 15 minutes. Moi, ça m'a pris peut-être 2 heures le passé à force de mourir et tout. Mais tu sais, je reprendrais le jeu aujourd'hui. Puis là, je sais son haut, les raccourcis et tout. Fait que tu sais, il n'y a pas tellement de replay value. Donc, c'est un peu pour ça. Hey, Xardin, c'est un peu précoce là-dessus. Là. Non, on est rendu à 9 minutes. C'est bon. T'étais cool. Ben, écoute, c'est pour ça que j'y accorde la note de 6 sur 10. Donc, comme je dis, c'est un bon jeu, mais il en manque un peu pour que ça soit vraiment meilleur. Surtout aujourd'hui, là, s'il faut sortir les gros dollars pour aller l'acheter. Donc, c'est un jeu de collectionneur, vous l'aurez compris. Mais quand même, c'est un jeu méconnu du TurboGrafx qui, si vous avez une Everdrive, ça vaut la peine de l'essayer. Il y a du plaisir quand même à y avoir. Bon! Good! Dans le chat, Nick, il y a Pascal Herman qui fait dire d'arrêter d'être aussi convaincant dans tes critiques parce que tu coûtes cher à tout le monde. Ouais. Ben, c'est souvent un commentaire que moi je reçois des fans comme ouais, Bruno il me coûte cher, puis Nick il me coûte cher. Ben, c'est pas dit qu'on fait ça. Une très bonne job. Fait que, félicitations. Ouais, si j'avais donné un 10 à Legend of Hero, clairement. Mon kit de VR était moins cher que ton jeu. Ouais, exact. Mais non, il m'a coûté moins cher que ton kit de VR. Effectivement. Ça vaut ça de même. Il y a quelque chose d'intéressant à dire, tu sais. Ça arrive que, tu sais, mettons, on a joué entre deux jeux, puis on va en prendre un qui nous intéresse plus, spécifiquement parce que, un, on va pouvoir investir plus de temps, mettons, on a une meilleure connaissance, puis donc souvent, vous allez remarquer qu'on donne des bonnes notes, mais c'est parce que ça arrive qu'on va choisir des jeux qui sont plus dans nos cordes aussi, tu sais. Exactement. Il y en a eu des exemples, allez voir dans les archives, là, c'est pas toujours des succès, mais des fois, on donne des moins bonnes notes. mais vraiment, on essaie de voir un petit peu qu'est-ce qui fit, qu'est-ce qu'on a vraiment le goût de jouer. Comme exact. Ça, c'est plus le fun de partager sa passion, tu sais. Fait que... Ouais, puis on est aussi des gars qui font énormément de recherches avant de s'arrêter sur un jeu. Fait que ouais. C'est sûr qu'on... On en sait une partie d'avance quand même si ça va être un titre qui va nous intéresser. Ouais, exact, non, là. Tout à fait. Là. Fait que c'est ça sur ce. Aimez-vous faire des crises d'anxiété? Des fois. Quoi? En début de semaine, c'est toujours plaisant lundi. Lundi matin, c'est ça. Maintenant, il y a un jeu qui existe pour ça. Tumper, qui est développé par Drool, qui est un tout petit studio indépendant. Développé et publié par Drool, c'est disponible sur PS4, One, Switch et PC. On peut y jouer sur la PS4 d'ailleurs en VR. Oui. Je suis pas sûr que j'ai le goût de jouer à ça en VR. J'ai regardé ton gameplay puis j'étais comme, eh mon dieu, que tu dois faire une crise d'épilepsie chez vous, c'est sûr. Là. Ben écoute, je vais décortiquer ça. Vas-y, vraiment. Et puis, en fait, Drool, ce qui est intéressant, c'est que c'est deux ex-designers de Rock Band. De Harmonix, ah ouais, en fait. Ça paraît. C'est Mark Fleury puis Brian Gibson. Ils ont pogné leur bonus puis ils sont partis du studio. Ils sont partis du studio puis ils ont fait ça. Et ils ont très bien fait parce que Tumper, en fait, c'est comme une espèce de mélange entre Rock Band, Rez et Satan. Satan. Ouais. Quoi? Ouais. Alors, ce qui arrive dans Tumper, c'est que c'est un jeu dans lequel tu joues une espèce de petit beetle, en fait, là, comme une espèce de petite... C'est comme la de Journey, ça. De petite bébite, là, métallique. Et puis, elle se promène sur une track comme ça. Plus tard, on va pouvoir avoir plus qu'une track. Puis, il va falloir peser au bon moment quand il va y avoir des carrés qui vont arriver vers nous. C'est un jeu de rythme parce que ça fonctionne sur des rythmes, entre autres. Les rythmes nous donnent des cues. Puis, c'est ça, on va avancer comme ça très rapidement. Des fois, on va avoir des virages. Des fois, on va avoir des changements de voix. Puis, il faut vraiment peser sur ton bouton ou peser dans une bonne direction à toutes les fois. C'est pas un jeu dans lequel tu peux rester comme ça pour faire comme, ben, moi, juste manquer une note puis je vais réussir. En fait, c'est que tu peux manquer une note, mais tu vas foncer dans un mur dans pas long parce qu'il y a des virages vraiment secs. Puis, la musique de ce jeu-là et l'ambiance de ce jeu-là est stressante, angoissante. C'est vraiment, là, tu sais, tu te sens pas bien quand tu joues à Tumper, mais t'as le goût de continuer à jouer à Tumper parce que c'est hyper addictif. Puis, ce jeu-là, c'est pick-up and play. Tu commences à jouer puis tu sais quand même pas mal comment jouer. Les contrôles sont super simples, mais ce qui est difficile, c'est la rapidité puis le genre de rythme de musique qu'il y a là-dedans. T'sais. Là, on a de la musique par-dessus nos voix et tout ça, puis ça serait difficile de vous le montrer comment. Mais c'est comme un peu plus des rythmes de tambour puis des ambiances sonores qui vont vraiment créer un univers lugubre puis qui pèse, en fait. Là, t'es vraiment... Tantôt, je disais, est-ce que vous aimez faire des crises d'anxiété? C'est qu'en fait, une crise d'anxiété, c'est un petit peu... Ça serait quasiment le parallèle avec ce jeu-là. Tu sais, quand tu sens que ta poitrine se serre puis t'es pas bien, t'as de la misère à respirer. Ouais. Tu sais, ce jeu-là crée le même effet que les meilleurs films d'horreur. Puis il y a rien d'horrifique dans ce jeu-là visuellement. Ah, ouais. Puis ça, je trouve que c'est un art absolument incroyable d'avoir réussi à faire ça avec ça. Puis les développeurs, ils disent « It's a stressful, violent game ». Ouais, puis il n'y a rien. Tu regardes, puis c'est juste des lignes, exact. Des couleurs. Pis... Ben, c'est hallucinant. En VR, là, en VR, moi, tu regardes ça. Mourir, là. Ah ouais, mais tu sais, quand tu le regardes comme ça, ça a vraiment pas l'air d'un jeu qui serait si épais que ça, côté émotionnel. Mais je te jure, tu joues à ça, puis là, après ça, là, tu lâches la console, t'es comme... Ah ouais. Tu sais, t'as le cœur qui débat parce que c'est vraiment intense. Faut que tu sois, évidemment, faut que tu sois sur les nerfs tout le temps. Faut que tout le temps tu sois prêt à peser sur ton bouton. Est-ce qu'il y a un avertissement pour les gens qui ont des problèmes cardiaques quand tu commences le jeu? Ben, d'après moi, il doit en avoir un sur toutes les consoles, mais sur Switch, il y en a pas. C'est mais pour les enfants, ils sont pas pognés du cœur, ouais, encore. Mais non, mais c'est un jeu qui est stressant, mais. Tu sais, depuis tantôt, je dis ça, mais c'est vraiment, vraiment le fun. Là. J'ai eu bien de la misère d'arrêter de jouer. Là. Puis c'est super beau, évidemment. C'est un jeu qui est magnifique. Puis moi, ce que j'aime de ce jeu-là, c'est que c'est très simple. Puis les mécaniques qu'on t'apporte, qui sont nouvelles, arrivent tout le temps graduellement. Puis c'est assez long quand même. Là-dedans, t'as comme plusieurs niveaux. T'as 9 mondes, je pense, en tout. Puis dans ces mondes-là, t'as 24 stades, 24 stages, en fait. Stage, hommage à Dominique Bourret, trademark. Stage. Premier stage. C'est ça qui dit ça, il était carré. Mais non, c'est ça, c'est qu'en fait, tu vas partir une petite partie, tu vas le faire, puis quand tu vas passer espèce de rond, ça va te dire que là, tu te rends à la prochaine étape. Puis il va falloir que tu te rendes au boss, puis le boss, finalement, il va t'envoyer des affaires qui vont faire que ton personnage va se bâtir de l'énergie pour pouvoir y envoyer un tir. Puis, il faut pas que cool, tu manques ça. Ta shot, sinon ça revient, puis ça revient, puis ça revient. Fait que, tu sais, il y a un parallèle à faire, évidemment, avec Rock Band. Ah t'sais, non, mais c'est même Amplitude aussi qui... Amplitude. Frequency. Ouais, tous ces jeux-là, vraiment, là, ça fait vraiment penser à ça. Mais ça va dans un endroit où ces jeux-là ont jamais réussi à aller. Puis c'est comme une immersion totale. Que j'ai jamais eu avec aucun jeu de rythme. Je te dis, là, ça ressemble à la pochette de No Escape de Journey. Hein. Ouais. Avec le scarabée et tout. Là. C'est vrai. Non, stop. Mais tu sais, comme ça, là, des curves de même, ce qui arrive, c'est que si tu pèses pas sur ton bouton au bon moment, comme là, mettons, faut que tu pèses sur A puis à gauche, A à droite, si tu pèses pas sur ton bouton, il smash dans le mur. Puis t'as juste comme deux ou trois chances avant de mourir complètement. Fait que ça va vite parce que tu sais, le beat ça peut être comme tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Puis là, ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Puis si tu manques un pas, t'es mort, tu sais. Puis là, tu continues, puis t'as le beat, puis tu suis le beat dans ta tête, puis c'est. Ça pardonne pas, mais c'est absolument fantastique ce jeu-là, puis c'est un incontournable. Si vous avez une Switch, ce qui est cool, c'est que sur la Switch, tu sais, t'as vraiment le jeu. De très près, tu sais, en handheld avec des écouteurs, ce jeu-là est écœurant. Tu sais, sur grand écran aussi, puis c'est du 60 images secondes quand même, fait que ça fonctionne vraiment bien sur Switch. J'ai un ami qui l'a essayé sur PS4 et PS4 VR, puis il me dit que c'est absolument fantastique. Fait que vraiment, moi, ce jeu-là, je l'adore. Là. C'est vraiment combien, de la bombe. Ça? Ce jeu-là est exactement 26$ sur Switch. Pas bien, c'est bien. Fait que tu sais, c'est je considère que c'est raisonnable considérant le jeu que c'est, parce que tu sais, t'as quand même beaucoup de niveaux à faire avant de te rendre à la fin. Ça va te prendre du temps là. Puis ça, c'est le genre de jeu qui se joue bien entre deux parties de quelque chose. T'sais. Tu joues pas à ça pendant 3 heures. Non, c'est ça. Sinon, tu survivras pas. Les shorts passent pas le passent pas la game. Exact. Fait que c'est ça, mais bref, pour toutes ces raisons, je lui donne un 9. Oh, wow. C'est de la méga bombe, ce jeu. Il est sur PC, que tu disais? Oui. Je vais aller chercher. Ah ouais, mon gars, tu vois. C'est moi qui avais le jeu de Guinée hier soir, finalement, avec un 6. Mais t'avais le jeu le plus dispendieux, par contre. Ouais, exact. C'est une question de balance, là. C'est pas mal plus rough. Fait que, take it away, Nick. T'as un deuxième jeu pour nous. Ouais, fait que moi, c'est encore sur Switch. Ouais, sur Switch, mais Injustice, c'était sur PS4. Ouais, mais là, moi, c'était sur Switch. Oui, excuse-moi. Oui, tout à fait, sur Switch. En fait, on va y aller avec un autre jeu de combat. Ouais. Donc, Ultra Street Fighter 2, The Final Challengers. Merci, c'était bien. Hey, c'était réussi, ça. Vraiment, ouais, non, moi, c'est moi qui fais les voix pour les jeux. Fait que... Hadouken! Ouais. Hadouken! Fait que ça, disponible sur Switch. On a fini. Seulement. Développé par Capcom, publié par Capcom. On remercie Nintendo Canada d'avoir fourni le code pour qu'on puisse faire la revue. Yes. En fait, bon, ça, qu'est-ce que c'est? Vous demandez, tu sais, Capcom est reconnu pour faire des multiples versions du même jeu, spécifiquement dans ces années-là. Mais ça, c'est la dernière incarnation, la dernière version finale de Street Fighter 2. C'est-tu la finale? Pour l'instant, c'est supposé d'être ça. Hey, the Final Challenger. C'est comme, ça fait comme 30 ans, tu sais, Street Fighter, puis ils ont comme voulu un peu mettre ça là-dedans, mais tu sais... On a eu en tabarnouche. Mais là, il y a quelque chose d'intéressant dans ce jeu-là, du fait que, ben premièrement, c'est quand même le jeu original qui ont un petit peu changé... Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté deux personnages. Puis les personnages sont vraiment intéressants, tu sais. Vous connaissez probablement tous Evil Ryu. Ouais. Ou, ça, dans le fond, c'est Ryu qui... Qui est méchant. Qui, ouais, le Dark Ado, tu sais, comme grandit en lui, puis il a de la force, puis tu sais, dans le fond, il devient un peu comme Akuma, si vous voulez. OK. Puis l'autre que vous connaissez probablement pas, c'est Violent Ken. Quoi? Violent Ken. Que ouais. Mais Violent c'est Ken... C'est lui qui est pas sa femme, ça. Ouais, c'est ouais. ça. Mais Violent Ken, lui, venait en fait de... du jeu qui s'appelle SVC Chaos, donc okay. Street Fighter vs. Excuse-moi, SNK vs. Capcom Chaos, un jeu de SNK. À l'époque là, où il y a eu Capcom vs. SNK, ben ils sont comme échangé les droits de faire un jeu. Fait que dans un jeu SNK Neo Geo d'arcade, ils ont sorti un jeu avec des personnages de Street Fighter, incluant Ken. Puis c'est qui Violent Ken? Ben c'est juste Ken qui a été... brainwashé par Monsieur Bison. Ouais. Puis qui est maintenant je te dirais qui a du psycho power. Puis tu sais, il est vraiment super violent. Puis il y a un genre de teleport aussi, tu sais. OK. Donc c'est ça. Ben je vais peut-être faire un segue à ce qu'on voit à l'écran. Ouais, ouais, Way of the Ado. Ouais, Ado mode. Il y a un mode qui s'appelle Way of the Ado qui est comme un mode en fait là en first person view. Un genre d'aréna où il te fait spawner des togs pis toi t'es frappe, tu sais. Pis tu peux faire les super moves. En fait, tu peux juste faire les super moves. Soit tu lui fais un Hadouken, soit tu lui fais un Shoryuken, ou tu lui fais un Tetsu Matsukata Swatiki. Tetsu Kick. Ouais, un Hurricane Kick pour. Mais tu fais ça avec ta manette en mode. Cool. Non, tu fais ça avec tes deux manettes pis le contrôle. Ok, fait que c'est comme genre, Arms que GF parlait. Genre, là, tu sais. Fait que dans le fond, ce que ça fait, c'est. Tu fais une boule de feu, tu fais vraiment la motion dans tes mains. Okay. Dragon Punch fait la motion, puis le kick, le Hurricane Kick, ben tu tournes avec tes poings vraiment. Ouais. Fait que c'est assez intéressant. C'est fun, ouais. Ben ça me fait penser un peu à Punch Out quand on jouait avec les motion control à la Wii, mais vraiment moins complexe. T'sais. C'est assez simple ce jeu-là. T'sais. C'est vraiment plus un jeu de party si tu veux. Ouais. Vous allez jamais rejouer des milliers d'heures à ce mode-là. Ouais, t'sais. C'est ça. Vous allez l'essayer, vous allez finir le mode, tu sais. Tu peux l'essayer en beginner, standard puis extra, tu sais. C'est pas super long, tu sais, vous pouvez vous pratiquer à les faire aussi. C'est un ajout correct, tu sais, mais c'est pas ça vraiment là, tu sais. Vous allez pas avoir du plaisir à ultra long terme avec ce feature là. Comme je dis, c'est vraiment un jeu de party. Sortez ça d'un party, regardez le monde faire des boules de feu, c'est drôle, là, parce que honnêtement. Mais vraiment, on va revenir au jeu, tu sais, principal. Ouais, ben oui. Ils ont des trucs qu'ils ont rajouté dans le jeu qui sont intéressants. Il y a un truc qui s'appelle le Body Battle. Puis, si vous êtes familier avec la série Street Fighter Alpha, dans Street Fighter Alpha 3, j'en avais déjà parlé dans les co-op modes il y a deux semaines, deux épisodes, le Dramatic Mode, où tu pouvais te battre avec une autre personne, ben ils l'ont introduit là-dedans. Fait que là, dans le fond, ce que ça fait, c'est tu vas battre tous les boss du jeu, tu sais, mettons Violent Ken, Evil Ryu, Akuma, Bison, puis tu vas être à deux pour t'approcher l'autre. T'sais. Tu peux jouer à deux personnes physiques dans ton salon, ou tu peux jouer avec un ordinateur qui est ton body, ce qui est vraiment moins le fun. Moi, j'ai joué tard le soir avec un ordinateur body. Ouais. T'sais. Ben, ça fait. Ouais. C'est moins le fun, tu sais. Genre, tu sais, dans la vie, un robot, c'est jamais aussi le fun qu'un humain. Pour n'importe quoi, ça dépend du robot. Ça dépend du robot. Robocop est pas mal plus le fun que ben de mes amis, là. Peut-être. J'aime mes amis, là. Tes amis, ça. Mais Robocop. Hey, T-Jo, tu serais remplaçable, mon gars. Non, T-Jo, le sait, Robocop, c'est même pas une question, là. J'étais sûr que tu t'en allais sur une autre piste, puis merci d'avoir pris la voie du Robocop. Parce qu'elle est Valérie Aldall. Ouais, genre, mais. Exact. Virtual Valérie. Virtual Valérie. Exact. Virtual Valérie. Donc, mais ce mode-là, il est le fun, mais tu sais, c'est encore une autre affaire qui est plus du party game. Mais ce qui est le fun avec le jeu, c'est que ça ressemble à Street Fighter, Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix qui était sorti au PS3, Xbox 360. Mais c'est les mêmes graphiques. Oui, c'est les mêmes graphiques qui ont été faits par Udon, en fait, des artistes d'Udon. Puis, mais par contre, là, ils ont tout défait les balance changes qu'ils avaient faites, que la communauté était pas trop contente. Ouais. Fait que c'est vraiment un jeu original. Ils ont juste rajouté 2-3 détails, comme maintenant tu peux faire un escape throw, tu sais. Fait que si quelqu'un essaie de te lancer, tu peux te sauver. Ils ont corrigé 2-3 bugs, comme Chun-Li Honda était capable de story leur super move. Okay. Mais donc, ils ont fait 2-3 trucs comme ça. mais ça reste très très proche de l'original. Mais ça, c'est vraiment bien, tu sais. Je conseille absolument pas de jouer avec deux manettes dans chaque main. Là. Allez-y avec le petit chien, tu sais. Collez ça ensemble. Ou si vous avez la pro. Si vous avez la pro, let's go, il n'y a pas de question. Allez-y avec la pro. T'sais, ça reste un jeu de combat avec 6 boutons qu'on utilise vraiment. Puis quand tu joues à deux sur la même Switch, c'est comment? Ben, j'ai pas joué. Comme j'ai dit, mon ami, c'était un ordinateur. Ça prend juste un deuxième kit de manette, en fait, que tu vas syncer, là. Fait que c'est ça que ça prend. Mais tu peux jouer avec la petite manette juste le... OK, fait que c'est ça. Tu peux pas jouer avec un Joy-Con. Oui, excusez-moi, tu peux jouer avec le Joy-Con et il y a 6 boutons sur le Joy-Con. Ah, OK. Je suis désolé. Mais par contre, avec tu vas être. Avec les deux sur le top, là. Avec le un et deux petits sur le top, là. Tu sais, fait que là, oui, ça se fait. Parce que c'est sûr, quand même, le main feature du jeu, c'est d'amener Street Fighter en camping. Ouais, tu peux faire ça, tout à fait. Moi, je l'ai pas fait, mais t'as raison, j'ai regardé le guide virtuel du jeu, tu sais, puis ils disent que tu peux jouer avec ça. Est-ce que ça t'a dérangé de pas avoir de D-pad? Oui, parce que le D-pad de la Wii, de la Switch, c'est vraiment des pitons. Ouais, c'est ça. Ça fait vraiment pas la chance. Le Pro Controller, c'est un vrai D-pad. Exact. C'est pour ça que je dis, allez-y, go Pro Controller. Parce que, tu sais, puis sinon, j'utilisais l'analogue, mais c'est pas aussi bon. Donc, mais là, tout ça, ça commence à coûter cher. Là. Il est 49,99. C'est ça l'affaire. Là, même, moi, j'ai tout le temps payé plus, ça. $1 canadien. J'ai tout le temps payé ça 15$. Ouais. Fait que, tu sais, le online mode, il est très bien. Le matchmaking va bien. J'ai essayé le leaderboard. Fait que c'est une expérience complète de Street Fighter 2. Puis c'est la dernière itération. Pour le moment. Ouais. Pour le moment, mais elle est. Final Challenger Redux. Exact. Mais elle est parfaitement en ligne avec ce qu'on s'attendait de Super Street Fighter 2 Turbo. Donc, c'est ça. Fait que moi, je pense que le package est bon. C'est sûr que le Way of the Ado, c'est un peu gimmicky. Vous allez avoir du plaisir un peu. Il est cher. Mais ça reste un super bon jeu de Street Fighter. Sur la Wii, il n'y a pas des millions de jeux de combat. Donc, c'est un beau titre. Ben, en fait, oui, il y en a plein de Neo Geo. Ils font rien que ça. Ouais, sorte, mais c'est des Virtual de Console. Lui, c'est vraiment un port spécifique, là. Donc, tu sais, j'ai aimé mon expérience. Je suis d'accord qu'il est un peu cher. Mais je dirais, si vous n'avez pas joué à Street Fighter 2 depuis très longtemps, allez vous le chercher. Moi, j'ai donné la note de 8 sur 10. Très bon. Très bon. C'est meilleur que HD Remix sur plusieurs points. Okay. C'est plus en ligne avec l'original au niveau de votre expérience. Ils ont gardé les contrôles originaux. C'est dur. Ouais. Tu sais, comme je dis, Pro Controller, meilleure option. Mais vraiment, le fun. Les nouvelles mécaniques sont pas si cool que ça, mais Violent Ken et Evil Ryu sont vraiment cool. Et Akuma, maintenant, on peut le sélectionner dans le menu régulièrement, parce qu'avant, c'était un personnage caché à l'arcade. Donc, beau jeu. T'sais, oui, un petit peu cher, mais il vaut la peine. Si t'es un fan de Street Fighter 2, allez-y. C'est le dernier paquet. Exact. Si vous voulez aller vers une expérience plus moderne, peut-être pas, mais ça, pour les nostalgiques qui veulent avoir, ou les gros fans du Street Fighter 2, super expérience. Puis je pense que les fans vont aider. Je serais pas surpris de voir peut-être des tournois là, qui vont sortir de ça parce que c'est intéressant, là, vraiment. Fait que bon titre. Ouais. Hey, c'est fantastique tout ça. Excellent. Fait que là, avec tout ça, tout ce plaisir-là, on est rendu à la pause. Ouais. Puis après la pause, ben, y a le quiz qui s'en vient. Ainsi que, c'est ça, on va parler des licences qu'on aimerait voir revenir sur nos consoles. Yeah. Mm-hmm. On se voit tantôt. Right. Pause. Et voilà. Yes. Donc, là, c'est le temps du quiz. Oh yeah. All right. Le challenge. Ouais. You'll need it. Ça devrait être ça le thème du quiz. Nice. Ouais, exact. OK, première question. Lequel de ces films basés sur des jeux vidéo n'ayant jamais vu le jour avait The Rock dans le rôle principal? Est-ce A, Spy Hunter, Kane & Lynch, Asteroids ou Castlevania? Kane & Lynch. Lequel de ces films basés sur des jeux vidéo n'ayant jamais vu le jour avait The Rock dans le rôle principal? J'avais oublié. Spy Hunter, Kane & Lynch, Asteroids ou Castlevania? C'est C'est tellement stupide que je dis Asteroid, moi. Ouais? Ouais. Toi, Fred? Moi, je vais... Je sais qu'il y avait un film de Keenan Lynch, mais est-ce que c'était celui-là? Moi, je pense que c'est Asteroids aussi. OK. Toi, Nick? J'ai dit Keenan Lynch. Avant la musique. Eh bien, vous avez tous tort. Ah, oh, ouais. C'était Spy Hunter. C'est ça, The Rock était quand même la vedette du jeu de 2003. Non, mais il a joué dans un jeu de 2003 où il a fait la trame narrative. Ah ouais, parce qu'à l'époque, il était bien hot à la lutte. Là, dans le ouais. Puis c'est ça, c'était en 2003. Puis John Woo était supposé réaliser le film, ouais. Mais ensuite, Paul W.S. Anderson a pris le projet. Supposément que le film pourrait encore avoir lieu, c'est pas mort encore. Puis The Rock serait encore attaché. Après 2003, tu sais. Bon, The ouais. Rock veut toujours jouer le char. Là. Mais The Rock, toujours prêt. Mais The Rock, il a joué dans Doom. Ouais. Ouais. Fait qu'il ouais. Exact. Comme ça, les jeux, ah, mais The Rock, il peut faire n'importe de quoi. Ouais, il va s'assurer. Même si tu parlais tantôt de Doom alors, pour les Patreons qui étaient avec nous. C'est vrai, on a parlé. Ouais, on a parlé de Doom, c'est vrai. Vrai. OK, deuxième question. Yes. Bring your A game. Good luck. La Game Boy originale avait combien de jeux au lancement en Amérique du Nord? S.A. 7, B. 6, C. 5 ou D. 4? La Game Boy originale avait combien de jeux au lancement en Amérique du Nord? 7, 6, 5 ou 4? Au lancement? Au lancement. Définitivement Tetris, là. Fait que ça fait déjà 1. Ouais. Écoute, moi je vais m'avancer et je vais dire 7. Moi okay. Je dis 4. Moi je vais dire 5. Toi tu dis 5. Les GF qui est là. Yay! 5 jeux. Il y avait Super Mario Land, Alleyway, ouais. Baseball, Tetris et Tennis. J'avais oublié Alleyway. Et allez, voilà. Oui. Caroline Fred, je suis déçu. Ben oui, non, écoute, t'es allé dans mon. t'es allé chercher dans mon répertoire de fax. C'est bon, ça. OK, peut-être la prochaine. Peut-être. C'est la fameuse question japonaise. Asti. OK, troisième question. Je dis le nom d'un jeu en japonais. Quel est-il? Ah, peut-être que je le connais. Danton Neketsu Monogatari. Danton Neketsu Monogatari. S.A. Vigilante, Ninja Kid, River City Ransom ou Double Dragon 2. S. Vigilante, oh Ninja Kid, River City Ransom ou Double Dragon 2. Peux-tu le dire une dernière fois en japonais, s'il te plaît? Danton Neketsu Monogatari. Danton Neketsu Monogatari. On va dire Double Dragon. Écoute, je sais que c'est dans la série des River City Ransom, mais je sais pas si c'est Vigilante ou River City, mais il me semble que c'est Kunio-kun dans River City, fait que je vais y aller avec Vigilante. OK. Et je me plante peut-être. Toi, Nick. Répète-le encore. Danton Neketsu Monogatari. Parce que j'ai joli. C'est pas Double Dragon 2. Danton Neketsu Monogatari. T'as dit Vigilante, River City Ransom. Dis donc quelque chose, une lettre. Non? T'es River disqualifié. City Ransom. OK, la réponse est... River City Ransom. Oh. Yes! Yes! Le parce temps de réflexion a fait la différence. River City Ransom, en fait, parce que eux autres, ils ont fait Downtown, c'était Downtown. Ouais, c'est ça. Neketsu Monogatari, qui est dans le fond River City Ransom, mais en... Parce que moi, j'ai Danton Neketsu, mais un autre nom, puis c'est genre, c'est comme un jeu de marathon avec les personnages de River City Ransom. Wow. Mais tu vu, tantôt quand j'ai fait la question, là, ben je me suis dit, je vais pogner un as là, quelque part là, pour fourrer le monde, puis Vigilante, c'est un Kunio-kun. C'est ça, mais c'est un qui est comme pas dans la. Qui n'a pas été renommé dans la série, c'est pour ça. Fait que je me suis dit, ça allait c'est fourrer Dominique ça. Solide. Je pensais que Dominique allait l'avoir. OK, quatrième question. J'en ai 5 aujourd'hui. Ah, une chance, on va peut-être en avoir une. Ryu Hayabusa de Ninja Gaiden est apparu dans tous ses jeux sauf un. Lequel? S. Dead or Alive, Gallop Racer, Super Swing Golf ou Dynasty Warriors? Ryu Hayabusa de Ninja Gaiden est apparu dans tous ses jeux sauf un. Lequel? Dead or Alive, Gallop Racer, Super Swing Golf ou Dynasty Warriors? Moi, je dis Dynasty Warriors parce que c'est le jeu dans lequel il y aurait le plus de sens qu'il soit là. Fait que... OK. C'est ma logique pour l'instant. Moi, je dirais aussi Dynasty Warriors parce qu'il me semble que c'est Koei qui fait ça. Plus Nick? De réflexion que moi. Tu as dit... veux-tu répéter? Dead or Alive, ouais. Gallop Racer, Super Swing Golf puis Dynasty Warriors. Bon, Derek. C'est quoi ce Gallop Racer? La réponse est... Gallop Racer. Yeah. Nick est bon à soir. Nick est en feu. Il m'a volé mon jinx. Le mojo de la rive, ça. Tu m'as volé mon mojo. Koei, t'aimes Koei. T'as ta grosse seringue à mojo, là. Mais il aurait pu être dans Gallop Racer parce que ça vient justement de la même maison d'édition. Oh, le tabarnouche. Dernière question. Puis je pense que tu pourrais l'avoir, celle-là, Fred. J'ai plus confiance en moi, là. C'est terminé. Tu m'as détruit, tu m'as cassé. C'est ça, c'est parce qu'avant de partir ce quiz-là, Fred a dit comme « Ah, moi, là, pété de la broue, je pète toutes les quiz. Ouais. » Tu l'as même dit en onde. Ah, OK. Là, je me suis fait... Cinquième et dernière question. Mm-hmm. Quel est le jeu le plus vendu de la 3DO? S.A. S.A. Road Rash, B. Gex, C. Myst ou D. Samurai Showdown? Quel est le jeu le plus vendu de la 3DO? Road Rash, Gex, Myst ou Samurai Showdown? Night Trap pas là-dedans. Non, Night Trap est pas là-dedans. Yeah, boy. You'll be caught in a trap. On va y commencer avec Nick. Comme ça, on va voir si quand il commence, s'il est capable de se carrer. Nick, Myst. J'aurais dit Myst, moi aussi. OK. Myst me travaille, mais honnêtement, je vais y aller avec Gex parce que c'est comme la seule licence de 3DO qui a comme marché un peu. Mais tu sais, c'était leur console, mais en même temps, c'est pas nécessairement le meilleur jeu, là, tu sais. OK, la réponse est... Gex! Yes! Oh. Plus d'un million de copies vendues. Mais ça devait pas être bien loin. En passant... Le monde a dû se mêler en voulant acheter un jeu de PlayStation puis ils ont acheté ça à la place. Mais tous les autres jeux que j'ai nommés étaient d'énormes succès pour la 3DO. J'ai vraiment hésité entre Road Rash parce que je sais que c'était un excellent Road Rash au 3DO. Ouais, c'était un rare bon jeu de 3DO. Mais le deuxième plus populaire dans toute la gang, c'était Road Rash. Puis après ça, c'était Myst. Et après, Samurai Showdown. Fait que quand même. Bon, good job, Nick. Merci, guys. Je me sentais humilié après le dernier quiz. C'est ça. Il y a quelqu'un dans le chat qui n'a pas apprécié que je ne connaisse pas Gallop Racer. Je suis désolé. C'est Christian Audet. Quelqu'un qui a dit Christian Audet n'a pas tant de ça, il serait choqué. C'est ça. C'est Maxime Roy qui a dit ça, en fait. Je suis désolé. Ah, c'est ça, Maxime. Moi, je suis le gars qui plug les fils, puis qui joue avec un casque à la tête. Là. Vos vieux jeux, je m'en rappelle pas tout, malheureusement. Vos maudits vieux jeux, là. Non, mais c'est bon, écoute, félicitations Bruno, t'es allé chercher dans les questions qui brisent la confiance, j'aime ça. La semaine prochaine, je vais me préparer, je vais aller sur Wikipédia ce soir avant de me coucher. Mais la semaine prochaine, je pense que je vais en faire deux vraiment faciles, juste pour voir à quel point là, ça peut être humiliant. Ça va être pire, là. Si on les rate les faciles, on va être encore plus humilié. Ça va être écœurant, oui, je vais en faire. Qui est le gros gorille dans les jeux de Nintendo? C'est King Kong! Ouais, c'est ça. Il y a deux personnages qui commencent par roi dans les licences de Nintendo. Qui est-ce? Wario et Wapiti. Wapiti est fun en maudit, par exemple. Wapiti, mais ça, c'est le meilleur. Right. C'est good. Sa licence commence. Ben bravo. On va se préparer. Il est pourpre. OK, fait que là, pour le sujet de la discussion, c'est vraiment le fun. On se disait, le prochain épisode, en passant, ça va être un épisode complet sur le E3. Oh yeah. Ça sera pas un lundi, va être après les conférences. C'était un mercredi, je pense qu'on avait dit. Ça dépend de la date épisode. Ça va être mardi, on va le confirmer aux gens. Puis c'est ça, bref. On va voir. Nick, on va te rejoindre. On t'aura par téléphone. Exact, à distance. On t'a enregistré avant. Ouais. Ben là, t'es arrivé ça, on peut te passer une canne avec un long, long fil jusqu'à chez vous, puis on va le mettre dans le micro. Ça va sonner un peu creux, mais. Ou un talkie-walkie. Ah, aussi, ouais, c'est vrai. La fibre optique. Ouais, c'est bien ça. Fait que c'est ça, avec le E3 qui est à nos portes et la promesse de plusieurs nouveaux jeux, quelle licence aimeriez-vous voir revenir ou apparaître sur nos consoles? Yes! Un très, sujet. Très beau sujet. Dans le chat, donnez vos suggestions aussi, je vais essayer d'en lire parce que moi, j'étais pas préparé à faire ce segment. Bon, puis, c'est cool ça. D'ailleurs, là, je vais commencer ça avec les suggestions de Dom, qui est pas avec nous autres, mais qui a quand même pu nous envoyer ses suggestions. Let's go. Dom a dit « Pitfall ». Pitfall. Pitfall, c'est vrai qu'Adam aime vraiment beaucoup ça. Puis c'est vrai, il y a eu The Mayan Adventures. Il y en a eu plein de reboots un peu. C'était vraiment le fun. Mais les derniers Pitfall qu'il y a eu, il y a genre Pitfall sur Run. GameCube. Là, sur, non, sur, ben ouais, il y en avait eu sur GameCube avant aussi. Oui, c'est vrai. Mais c'était pas The Mayan Adventures? The Mayan Adventures, c'est au Super Nintendo. C'est celui en 2D animé un peu style... Pas Virgin, mais tu sais, comme vraiment en animation. Ouais, après, il y en avait fait un sur PlayStation. Sur PlayStation, puis ils en ont fait un autre, me semble, si je me souviens bien, sur GameCube. Ou... En tout cas, il y en a en trois. Il y en a, me semble, un ou deux en trois dimensions. Il y en a quand même une bonne couple, là. Ouais, mais ça pognait pas quand même le gameplay de l'original, qui était vraiment du timing. Ben, Pitfall, c'est Uncharted, là, maintenant. C'est pas mal ça. J'imagine qu'ils se disent ça aussi, puis qu'ils font bon, ben, coudonc. Mais tu sais, comme tu dis, un runner qui est bien ficelé, tu sais, si tu regardes Temple Run, ça pourrait. T'sais, tu reskins ça avec Pitfall, puis prendre cash. Là. Mais Pitfall, Run, moi, mes enfants l'aiment bien. J'ai pas joué. Slide en dessous d'une branche, saute par-dessus une roche. Fait que dans le fond, ils l'ont déjà skinné finalement à Temple Run. Oui, il est fait, là. Il est fait, il est gratis. Il dit aussi Skate or Die. Ça c'est dumb. Très 80 fluo à la Double Dragon. C'est vrai que ça serait malade. Ça serait vraiment cool. Le revival de Skate or Die. Mais tu le fais avec un gameplay de skate qui fonctionne bien. Ouais. Parce qu'au Nintendo, là, c'était quand même. Je pense qu'il y a juste Dom qui comprend ce jeu-là. Mais moi, je trouve qu'il y a un côté RPG au jeu de skate qui n'a pas été encore assez exploité. Ouais, tu levels, tu débarres des nouveaux mots. Ouais. Puis pas juste débarrer des decks, débarrer du linge, du linge cool. Débarrer du raditude. Ouais, du rad. Nice. Mais c'est vrai, bon corps, Dom. Puis je vais nommer ces autres parce qu'il y en a donné plus que deux. Pas de limite, quelqu'un qui est chez eux. Streets of Rage, évidemment, la licence favorite de Dom. Bon, ça, Christy, Streets of Rage, on en veut un. Un brawler. En fait, il me semble qu'il était supposé d'avoir un revival. Il y en avait un, je pense, sur PS2 en année. Où c'était peut-être vraiment like Final Fight, mais en tout cas. Il y a eu un remake de Streets of Rage, sur PC. Fighting Force devait être une version de Streets of Rage. OK. C'est Core Design qui avait perdu les droits à cause de Sega, qui était comme Sega finalement. Puis. c'est devenu Fighting Force. Donc, c'est comme un peu le successeur spirituel. Exactement. Ouais, exact. Après ça, évidemment, Ghosts and Ghosts / Ghosts and Goblins. Ben oui. Ça, ça serait bon qu'ils reviennent, là. Ben, Sir Arthur. Ah, man, moi, c'est les jeux 2D de Capcom, là, comme ça, là, j'en prendrais à tonne. Megaman. Tu sais, avec un level editor là-dedans, là, et tout, là, tu c'est tu vrai. Vois un genre de Megaman, Mario Maker, mais Megaman Maker. Megaman, c'est la suggestion de ton ami Joe Miette dans le chat en ce moment. Ben oui, c'est certain, là. Ouais, Megaman, ça serait malade. Bon, on questionne toujours l'existence, mais en tout cas. Ça serait fou, ça, c'est un bot. C'est moi qui le chat. C'est ça, c'est un bot qui roule. De IRC. ASV. Il y a Matt Bonin qui dit Bushido Blade en VR. Écaline. Hey, ouais, tu peux faire trancher la tête puis ta tête roule par terre. C'était cool. Bon jeu de PS1, Bushido Blade. Ouais, c'est vrai que c'était bon. Puis le dernier, Adam, c'est Gargoyle's Quest qui est un jeu sous-estimé. Ouais, un bon jeu. C'est vraiment très, très bon. Ça serait le fun, ça. Puis. Puis toi, Bruno. Ouais, ce serait quoi? Mettons qu'on y va chacun notre tour. Ouais, on va y aller chacun notre tour, OK? Mais on y va 1-1-1. Ouais, c'est ça, exactement. Toi, Bruno. Puis après ça, si on a du temps, on ira 2-2-2-2-3-3-3-3-3. Ben ouais, c'est ça. OK. Moi, le premier, c'est une de mes licences favorites, c'est Rolling Thunder. Rolling Thunder, avec le look et tout, les gars, avec les cagoules. Trop long, trop grand, les méchants aux cagoules, puis tu sais, un look très 70s, puis tout ça, j'adore ça, le gameplay avec le nombre de balles qui est très limité, puis les sauts très secs, tu sais, tout est... tout est sec, tout est raide. Ah ouais, mais ça fonctionne vraiment bien. Le storyline est tout le temps le même. T'as une demoiselle en détresse, puis il faut que t'ailles la sauver des méchants. Mais c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Le troisième est sorti sur Genesis en 93, seulement en Amérique. Mm. Ce qui prouve en fait que c'est pas un succès mondial. Ça a vraiment plus pogné en Amérique. C'est ça. Mais moi, je trouve que c'est une super belle licence qui a comme un côté kitsch vraiment intéressant, mais kitsch cool quand même. Ouais, l'univers est le fun. Mériterait d'en revenir, je trouve. On dirait que c'est des méchants dans les G.I. Joe. Là. Ouais. C'est comme une organisation terroriste de contrôler le monde. C'est pas clair comment, mais c'est ça qu'ils veulent. T'sais. Ouais, ben il y a comme cagoules, un gros goblin. Le grand méchant, c'est comme une espèce de gros goblin dégueulasse. Puis lui, il veut conquérir le monde. Puis les autres qui contrôlent les machines font des moves de main. Mais tu verrais ça comment? Ce serait quoi le est-ce que tu... Moi, en fait... Ce serait encore le classique en 2D ou tu verrais ça plus moderne? Moi, tu vois, j'ai adoré Counter-Spy, qui est un jeu sous-estimé sur PS4 et PS Vita. Puis c'est en fait, c'est un cover-based shooter mélangé en 3D, mélangé avec un side-scroller shooter. OK. Puis c'est Rolling Thunder amené maintenant. C'est vraiment ça, Counter-Spy. D'ailleurs, si vous aimez la licence, essayez ça, Counter-Spy. C'est malade. Ça a été fait par des... ça a été développé, entre autres, par des gars de Pixar qui voulaient faire un jeu d'espionnage style 70 Incredibles en 3D. Puis je trouve que c'est ça que ça devrait être, en fait, Rolling Thunder. Mais... de s'approprier la licence comme du monde et de la faire revenir. Là, moi, la fameuse cassette Tengen de Rolling Thunder, c'est dans mes meilleurs souvenirs de gaming à vie. Puis quand je vais à toutes les fois, je vais à l'Arcade Montréal, je joue à ça. C'est un incontournable d'après moi. Cool. Ah, c'est bon, c'est un bon jeu. Fait que toi, Nick. Ouais, moi, je vois qu'il y a un choix improbable parce que je suis pas un gros fan de jeux de sport. J'en joue une fois de temps en temps, mais spécifiquement plus du côté social. Pas un autre Madden. C'est... Madden 2008. Madden! NBA Jam. Que de plaisir j'ai eu à ce jeu-là. T'sais, pis, c'était vraiment hot de jouer en arcade ou au Super NES. T'sais, c'était un super jeu. T'sais, comme c'est un pick-up and play là, accessible, avec du bling assez dans ta face, du feu. Bill Clinton en personnage caché, tu sais. Ouais. Il y avait un côté du mot, à l'époque c'était Midway, tu sais, puis Midway avait encore une touche sympathique, tu sais, puis il en a fait une coupe d'autres, tu sais, il a fait un NFL Blitz, mais ils ont jamais réussi à avoir la recette originale du NBA Jam, tu sais. C'est parce que c'était tellement simple, tu sais. Exact, c'était simple, ça marchait, c'était fun, tu sais. Mais c'est ça tantôt dans deux boutons, exact, puis c'était pas compliqué, tu sais, tout le monde pouvait jouer NBA Jam, tu sais, puis avoir du plaisir. Fait que, tu sais, c'est vraiment un beau jeu de sport. Tu sais, il y a eu le 2-on-2 NHL. Ouais, 3-on-3 NHL. 3-on-3 NHL. Un des meilleurs jeux, là, vraiment. C'était bon. Très bien, c'était dans le même esprit. Ouais. Mais lui, j'aimerais ça le voir revenir, honnêtement. Tu sais, puis même, je suis même plus le basketball actuel, mais de voir une affaire de même, c'est fun, là, vraiment simple. Pas ben, c'est ça, dans le pre-show, je parlais de NBA Playgrounds que je suis en train de jouer sur Switch, puis j'ai vraiment du fun. Mais en même temps, c'est pas ce que je voulais. Non, c'est pas ça. Tout le monde voulait NBA Jam. Pis c'est pas NBA Jam parce que tu le prends NBA Jam n'importe où, sur n'importe quelle console. Puis le gameplay est super fiable. Là. Même la version HD qui est sortie sur PS3 et 360 était vraiment fiable. T'sais, parce que c'est tough de merder un NBA Jam. Mais franchement, là, la base est tellement. Ouais, c'est simple. Ça. C'est un beau jeu simple, facile. Ouais. C'est comme un pick-up and play comme on aime. Puis comme il n'y en a plus tant que ça aujourd'hui, tu sais, des fois, surtout les jeux de sport, il y a un niveau de complexité, tu sais, je comprends pourquoi. Je trouve qu'on s'éloigne de plus en plus du côté arcade dans les jeux de sport. C'est ça m'inquiète. Mais c'est parce que ça devient du e-sport, tu sais. C'est ça. Le fun du jeu de sport, c'était que c'est des jeux qui sont très faciles à jouer compétitivement entre amis, tu sais. Puis le gars arrivait, puis c'était genre, ça c'est le piton pour passer, ça c'est le piton pour shotter. T'sais, là, à cette heure, ça c'est le piton pour checker, ça c'est le piton pour faire le curve. T'sais, ça c'est le piton. Il y a trop de. C'est rendu très compliqué, puis t'as plus le petit côté justement. Ah, il pogne la manette qui embarque. Ouais, exact. Ben c'est parce que tu sais, il y a plein de. Il y a plein de monde qui sont pas sportifs, qui jouent aux jeux vidéo. Ben non, ben. Puis qui vont jouer à n'importe quel jeu de sport, puis qui vont triper, tu sais. Moi, j'étais un méga fan de jeux de baseball, de hockey, puis de basket, puis de tennis aussi. Tu sais, je joue tout le temps à ces quatre catégories-là. Puis... Tu délaisses un peu le curling, d'ailleurs. Ça, ça... Ouais, je sais. Il va falloir que je m'y remette là, sur la balayage, sur la Wii. Mais ça devient trop compliqué, tout ça. Faut, faut revenir à... Ouais, quelque chose de... Exact, la base. Plus simple. Cute, drôle, facile. Ouais. Mm. Une prime simple, jaune, différent. Parlant de facile, moi un jeu que j'aimerais vraiment voir revenir. Puis écoute, moi, je caressais même un moment donné le fantasme d'aller passer une entrevue là-bas, là, puis de pitcher ce jeu-là. Puis c'est comme, hey man, prends le cash, puis vas-y, fais-le. C'est ActRaiser. Ah, shit, oui. Une licence vraiment badass qui a disparu de la map vraiment trop tôt. Pour ceux qui n'ont jamais joué à ActRaiser, c'est un jeu Super Nintendo dans lequel tu alternais entre des séquences où tu jouais un dieu qui devait construire une ville, puis là, tu arrivais à des endroits où est-ce que la marde était pognée, puis là, il fallait que tu descendes, tu sais, que le dieu incarne un mere mortal, puis tu descendes sur le sol pour aller frapper des taloches sur les ennemis. Je pense que Ben Gagnon l'avait critiqué ici, ce mois-là. Oui, tu peux regarder nos archives, Ben Gagnon l'a critiqué ici. Exactement. Puis écoute, c'est un excellent jeu. Moi, je pense que ce serait une licence qui vaudrait vraiment la peine de ramener aujourd'hui. Ouais. Tu mélanges un peu un style de gameplay un peu à la Dark Souls, là, où est-ce que tu as un jeu vraiment difficile et tout, où est-ce que tu as un univers vraiment démoniaque que tu veux purifier avec ton équipement divin. Puis finalement, la seule façon que tu es capable d'un peu de survivre à tout ça, c'est en construisant... En ramenant finalement un peu tout... en construisant ta ville finalement, puis toujours avec toi, tu sais que tu es capable de reprendre le contrôle du monde puis de progresser dans cet univers-là. Donc un jeu vraiment difficile où est-ce que, tu sais, la partie justement construction devient absolument primordiale, tu sais. Puis, tu sais, il y a moyen de faire ça aussi, je pense, de façon... tu sais, d'avoir quand même un côté assez linéaire en termes de narration, si on veut. Ouais. Mais que ça devienne quand même un jeu assez systémique. Tu sais, tu t'imagines que là, tu construis ton monde puis tu avances dans le jeu et tout, mais tu sais, éventuellement, un moment donné, tu délaisses des parties du monde que tu as apportées, puis là, ils commencent à être tentés par d'autres cultes mystérieux, puis là, finalement, la marde doit repogne, puis là, faut que tu retournes, tu sais, comme mais un ça serait là, t'as ton petit ange qui se promène partout autour du globe, puis là, c'est tu vois les bouts où la marde est pognée. Tu plonges, puis en real time, comme sur Google Earth, ça apparaît, c'est mon ça, gars. Au pire, tu calls à la façon d'un Titan dans Titanfall. Ah oui? Tu calls Summon God qui descend au sol dans une explosion, puis qui écrase. Parce que, c'est vraiment une licence qui est partie trop vite. Puis il y avait Dark Cloud au PS2 qui ressemblait un peu à ça. Ah, c'est vrai. Mais ça. La promesse, c'était beaucoup plus gentil. Mais moi, j'irais vraiment dans le gros Dark. Là, c'est avec Dark Souls qui est très populaire. Là, tu manges les deux genres, puis tu fais du cash. Non, c'est vrai, tu fais triper les gens. Okay, Jeff, toi, est-ce que Jeff, t'avais dit quelque chose, toi? Je peux aller voir. Non, moi, j'avais rien fait parce que je pensais qu'il n'y avait pas de temps, mais il y a encore dans le chat, j'avais vu des commentaires tantôt, si je peux retrouver. Il y a Christopher Envoine qui dit Chrono Trigger puis Contra, lui. Ouais. Contra est vraiment dû pour revenir, mais il est pas parti depuis si longtemps. C'est quand ça, même. Il y a eu sur la Wii. Il y a Julien Daniel. Il y a eu sur la Wii puis la DS aussi. Dit Astro Smash. Astro Smash? Je sais pas God. Ça me dit rien, en fait. Non, moi non plus. Ça me dit quelque chose, ça. Mais Astro écoute. Astro Smash, c'est quoi, là? En attendant qu'on trouve la photo. Et télévision, waouh. Ah, ben oui, écoute. Ben, tu sais. Attends, vas-y. C'est intéressant, juste Chrono Trigger, une seconde, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Ce jeu-là a failli être dans ma liste, puis j'étais un peu ambivalent, tu sais. C'est vraiment un peu comme. Tu sais, une espèce de. Ramener un chef-d'œuvre. Oui, c'est ça, tu sais. Ouais. Tu sais, moi, j'ai vraiment pas aimé Chrono Cross, ok. Je l'ai détesté, puis c'est un excellent jeu, mais je pense que juste le fait qu'il s'appelait Chrono. Ouais. Genre, il m'a dégoûté que c'était pas Chrono Trigger, tu sais. Puis je sais que c'est un super bon jeu, puis j'ai pas le goût non plus de revisiter ce jeu-là. Fait que je suis assez ambivalent, tu sais. Un peu comme. Tu sais, pour moi, il est juste parfait ce jeu-là, puis c'est cool. Mm. Ça pourrait être intéressant de faire d'autres choses, genre. Ben, Am Setsuna a essayé de Oui, mais tu vois, moi, je ferais plus un spin-off, genre 2D platformer. Ouais. Tant qu'à faire avec des avec robots, tu sais, ou une affaire de même. Tu sais, vraiment pas. Je voudrais pas la même expérience refaite. Je voudrais juste qu'ils me disent, ben, j'aime cet univers-là, les personnages, je fais quelque chose d'autre, tu sais, ou n'importe quoi. Ouais. Un jeu de bowling, tu sais. Une affaire complètement différente. Parce que je veux pas qui réessaye. Puis des fois, il essaye fort, puis ça marche pas. Puis là, t'es comme déçu, tu sais. Mais moi, des fois, là, j'aimerais ça que... Tu sais, il y a eu un jeu qui est sorti, 3D.GameHeroes. J'aimais beaucoup visuel, tu sais. Puis même, à la limite, si on pousse plus populaire, Minecraft, tu sais. Ouais. J'imagine comme pogner un jeu 16 bits ou 8 bits. Puis là, tu commences le jeu, puis t'es de côté, puis là... La ouais, vue, ça, elle se transforme. Ça, t'es en 3D, puis là, tes personnages, tu vois comme l'autre vue, mais avec le look 8 bits ou 16 bits, tu sais. Je trouve des affaires de même, ça serait possible de le faire pour faire revivre une licence, tu sais. Comme Chrono Trigger, tu sais. Comme Chrono Trigger ou, tu sais... Ben justement, moi, tous les vieux RPG, en fait, je referais tout dans main. Je trouve que ça serait vraiment fun. Sébastien Nollet qui dit Secret of Mana. Ouais. Dans le même style. Ouais, vraiment. Ouais, là, c'est un joueur aujourd'hui qui... C'est vrai qu'il n'y a pas d'RPG, mais vraiment un multijoueur. Ouais, en ligne. À part les MMO sur PC, sur console, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. Je vais y aller avec mon deuxième. Moi, mon deuxième... On essaie d'en passer trois. Ouais. Mon deuxième, c'est Earthworm Jim. Je trouve vraiment que c'est un personnage qui est fucking cool et qui a pas eu la chance de shiner nulle part. Les années 2000 sont arrivés et ça l'a tué. Ouais, exact. Parce que, tu sais, le premier jeu est bon, le deuxième jeu est bon. Après ça, ils ont essayé de se rendre en 3D, jusqu'au 4. Ils ont fait de la 3D, ça a pas trop marché. Mais moi, je dis comme, pogne juste le bonhomme puis son univers, puis fait un super bon 3D platformer. Genre, à la limite... c'est associé avec Nintendo ou même avec Sony, tu sais. Je pense. Il y a même Game Loft avait l'air d'avoir repris les droits de ça pour refaire un port des HD justement et tout. Mais tu sais, on s'attendait à ce que ça débouche sur un autre jeu, mais finalement, ça a juste arrêté. Ça a rien donné. Ben, c'est parce que le 4, ça a l'air qu'il était sur les boards, puis finalement, il n'a jamais abouti. Mais tu sais, moi, en fait, Earthworm Jim, je le vois comme, mettons, un Jack and Daxter, tu sais, ou un Ratchet and Clank, tu sais. Imagine-toi, ben ok, tu vois en 3D, moi j'aurais pensé en 2D, tu sais, un peu comme Rayman avec les jeux Rayman qui sont vraiment en 2D avec le style visuel vraiment propre à eux, tu sais. T'imagines la vraie vision de Earthworm Jim, un peu cartoon de Disney, mais avec un vert de terre un peu vulgaire au travers. Ouais, tu sais, un background dessiné, une peinture un peu noire, tu sais, parce que c'était tellement beau Earthworm Jim. Ah, c'est magnifique. Tu regardes ça, t'es comme wow, tu sais, c'est... C'était beau, mais c'était aussi, tu sais, un personnage original qui pourrait en faire tellement plus. C'est ça, c'est tellement niaiseux. Quand tu joues, tu fais comme à la Ace Ventura, mais tu sais, même comme personnage avec un narratif, tout, tu sais, il parlait, ce bonhomme-là. Groovy! Fait que, tu sais, groovy! Puis, tu sais, tu peux y faire dire des affaires, des niaiseries, les méchants, l'espèce de chat, puis l'espèce d'oiseau weird, tu sais. Tu sais, c'est tous des personnages, le fun, tu sais, la vache, tout dans ce... C'est ça, c'était un bel univers pour quelque chose qui... Tu sais, c'était forcé beaucoup, là. C'est tellement off que, tu sais, ça reste un peu en dehors du temps, tu sais. C'est pas comme un qui essayait d'être cool dans les années 90, c'était juste... Non, c'est ça. C'était off, là. T'sais, c'était un peu comme une BD européenne, quasiment, là. Comme le concombre masqué pis ces affaires-là. C'est complètement offbeat, là. Mais où, des fois, moi, je regarde des licences dans un, je me dis, tu sais, quand tu sais pas quoi faire avec, mais que t'as un bon core, je me dis, va-t'en complètement ailleurs. Fait que là, genre, mettons ça, je ferais un action RPG avec. Pourquoi pas. Ou t'es Gym, t'es dans un espèce d'univers weird, puis ça marche. Tu fais autre chose, t'offres quelque chose qui va déstabiliser les gens, puis qui vont faire comme bon, ben, je suis curieux, je vais l'essayer. Ouais. Quand t'as une licence qui est si vieille que ça, je pense des fois t'as pas le choix parce que la réaction du monde sur le temps d'y aller safe, je trouve, puis de faire un HD remix. Ouais. Puis, tu sais, c'est... Ben, c'est moins cher, tu sais, c'est surtout ça. Ouais, c'est ça, mais c'est comme, c'est un plaster, ça. J'suis d'accord. Au final, ça sert à rien, ça ne va pas vivre plus longtemps, tu sais. Ben, souvent, ils testent avec un HD remix. C'est ça, c'est comme un intérêt. Ouais, voir s'il y a un intérêt. Ok, on va repartir la franchise, tu sais. C'est un orteil dans l'eau, là. Ok, non. Ouais, d'ailleurs, ça a l'air que tout le monde qui a rejoué à Parappa the Rapper en HD s'est fait comme moi, mais c'était pas bon finalement. Parappa the Rapper, la musique qui est bonne, c'est ça. La musique était bonne, mais le gameplay était pas bon, ils ont rien arrangé. C'est pas sur Spotify, t'écoutes le soundtrack puis c'est meilleur. Ouais, c'est triste. Kick, aussi punch, it's all in the mind. If you wanna test me, I'll show you the fight. Galine, ouais, quand même. Les skills. J'ai joué beaucoup aux démos sur PlayStation 1, sur les démos disques. Sur la même tune. Ah, c'est ça. La belle époque. Mon Dieu. Des beaux démos. toi, Dom. Pas Colin, aïe aïe! C'est la barbe puis l'emplacement. Ah ouais, la barbe, l'emplacement. Nick. Ouais, fait que là, moi, c'est peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui connaît cette franchise, mais si vous étiez des amateurs des jeux sur Steam, mettons, dans les années 2000, Day of the Defeat. Ouais. C'était un... Imaginez, là, c'était l'engin de Half-Life, mais c'était un jeu de la Deuxième Guerre mondiale, okay, qui, pour moi, était meilleur que Battlefield. C'était excellent jeu. Était meilleur que les Call of Duty. T'sais. Pour moi, tout était une pâle imitation de ce jeu-là, qui était un mode de Half-Life, qui avait un, quelque chose de tight comme un peu le Counter-Strike, qui est okay. un mode d'Half-Life original. Oh, ouais. Fait que là, c'était tight, cette affaire-là. Ça bougeait bien. T'sais. Puis c'était pas surcomplexe. Là, t'sais. C'était vraiment va quelque part. Puis c'était des maps historiques, t'sais, genre les débarquements de Normandie, etc. Mm. Puis tu tires. Puis t'sais, les armes, ils étaient poches. T'sais, genre, c'est clunky. Ils étaient clunky. Oh, t'sais, genre, ouais. Il y avait tous des avantages ou pas. T'sais, tu finissais tout le temps par finir ton gars avec la pelle t'sais, à l'assommer t'sais, pour l'humilier parce que là, ça disait. C'était trop long chargé. Ouais, c'est ça. Mais c'était vraiment un très bon jeu, bien fait. Moi, j'ai joué énormément. T'sais, en multijoueur, c'était juste parfait. T'sais, la recette Counter-Strike appliquée à la Deuxième Guerre mondiale, ouais. Fait que ça marchait tellement bien. Puis malheureusement, il y a eu Day of the Defeat original. Day of the Defeat Source, quand l'engin Source est sorti à l'époque. Mais lui, il n'a pas eu de go, t'sais. Il n'a pas eu le traitement que Counter-Strike a eu. Puis c'est dommage, c'est comme une franchise dormante que je m'ennuie vraiment, t'sais, parce qu'elle donnait exactement un quick fix. T'sais. Battlefield, j'aime beaucoup ça, mais il y a quand même un apprentissage beaucoup plus élevé. Ah, c'est plus long. Tu dois comprendre la map, comprendre les interactions, les véhicules, comment tu fais ça. Là, t'as le squad mate. Les weapons. Exact, les classes, le leveling. Là, la t'es comme. Tabarnouche, tu sais. À un moment donné, on parlait de pick-up and play, tu sais. Ouais. Puis Dev the Defeat, il était quand même. C'était un pick-up and play du sens que c'était pas très complexe, mais c'était 100% skill-based, là. OK. Exactement comme un bon vieux Counter-Strike où là tu devenais meilleur, mais tu sais, parce que tu connaissais mieux les maps, ça c'est certain, ça aide toujours. Mais c'était tes skills qui faisaient la différence. Ouais. C'était pas si compliqué, si tactique. T'sais. Tu rencontres un gars d'un corridor, tu le tires. Tu sais quoi que t'as comme arme. Tu passes par les égouts, tu vas les buter par en arrière. Mais c'était comme très très simple. J'aimerais avoir ce genre de feeling avec un jeu, tu sais, parce que tu sais ça, maintenant c'est un. C'est toujours plus, tu sais, puis c'est la faute un peu aux gamers, tu sais. Ils veulent une grosse expérience, ils veulent voir plein de choses, ouais. Comme, tu sais. C'est le prix aussi, tu sais. Oui, le prix est là. Tu sors mais... ce jeu-là à 30-40$, puis c'est complètement acceptable. Comme Counter-Strike Go, CSGO, là, c'est ça. Je pense qu'il est sorti à 25$, ce jeu-là. Puis c'était juste correct, puis c'est un bon prix pour ce que ça, c'est, tu sais. Fait que moi, je paierais, franchement, là. Give Defeat Go! Oui, je le veux, Dev Defeat Go, puis je suis prêt à payer 30$, guys. Écoutez ça. Comment une Valve, écoutez man, ça, Valve. Hey, il est prêt à payer 30$. T'sais, je sais que vous faites pas des millions à tous les jours avant de votre commission, ces jeux. Vous avez un 30$ qui dort, là. Il dort, là. Ouais. Il vous attend, il est dans ma poche, puis comment. Hey, moi, je. Moi, un autre. Moi aussi, j'ai un 30$ qui dort pour un autre jeu depuis un grand bout de temps. Une série qui a eu deux titres, mais que la majorité des gens en connaissent juste un. Et c'est EVO ou Evo, The Search for Eden sur Super Nintendo. Ouais. Il y en a eu deux. Oui, il y en a eu un qui était sorti avant sur ordinateur juste au Japon. C'est vraiment obscur. C'est ça. Ben, c'est une licence. Peu de gens le connaissent, mais si vous aviez. Écoute, ils ont sorti un fan translation il y a trois mois de ça, Nick. Okay. Alors, ah, mais ça va être intéressant. Tu peux même l'apprendre avec un émulateur. C'est pas bien, ou... Moi, j'ai beaucoup aimé la version Super Nintendo à l'époque. Ben, ça ressemble à la version Super Nintendo, mais en 8 bits. C'est vraiment spécial. Okay. Ça vaut la peine de regarder. Le nom est complètement fucké. Okay. Mais bref, pour ceux qui ont jamais joué, encore une fois, c'est un genre de jeu de rôle mélangé avec un side-scroller dans lequel tu commences comme un petit poisson, puis il faut que tu évolues au fil du temps pour aider Gaïa à sauver la Terre et faire en sorte que les humains puissent arriver, en tout cas. Bref, c'est comme très, très, très lousse sur l'interprétation de l'histoire de la paléontologie et de l'évolution. Puis c'est très créationniste, on se le cachera pas. Mais quand même, c'est un jeu qui était vraiment le fun parce que tu commençais, bon, tu avais une petite débite, puis tu pouvais rajouter des mâchoires, changer des stats, puis c'était un peu comme dans un RPG. Puis moi, je te ramènerais ça aujourd'hui, puis je te ferais un espèce de gros survival game de la mort, tu sais, dans lequel tu commences vraiment comme un petit poisson dans l'eau et tout. Puis le monde autour de toi, tu sais, évolue. Fait que c'est comme, c'est très, encore une fois, c'est très open, c'est très systémique, là, un peu comme les jeux de survival habituels. Mais là, tu sais, t'es vraiment dans un univers qui évolue. Fait que, tu sais, si tu veux comme ouais. être capable de survivre ou du moins d'avoir de la facilité, toi aussi, il faut que t'évolues. Puis là, éventuellement, tu sais, tu te ramasserais dans un scénario où, est-ce que, évidemment, tu peux jouer un gros putain de dinosaure. C'est comme un ouais. genre de sport. Ouais, tout le monde dans le chat a dit ça, sport. Exactement. Sport, mais sport, ce qui était comme un peu étrange, c'est que le gameplay changeait complètement d'une phase à l'autre, ouais. Puis c'était pas nécessairement des gameplays le fun. T'sais, moi, je vois vraiment un peu le gameplay original dans lequel tu fais du damage, tu as des attaques, tu as des hit points, faut que tu te nourrisses, faut que tu ramasses des points d'évolution et tout. Puis tu sais, mais dans cette fantaisie-là d'univers de dinosaures, moi, ce que je veux éventuellement, c'est d'avoir un T-Rex qui se fait éclater genre par une souris qui est surintelligente à lui, tu comprends? Tu sais, comme dans un RPG, ouais. le Wisdom qui bat le Brute Force. Ah ouais. Donc, tu sais, éventuellement, tu peux même faire avec ça une expérience en ligne dans laquelle tu pourrais évoluer avoir ton personnage. Toutes les autres créatures des autres qui sont là et tout, tu sais, puis justement que la souris, finalement, c'est un Coréen qui farm du gold qui vient te péter ton T-Rex à toi. Qui lance du feu avec ses yeux. Exactement. Ça serait bien, non? Honnêtement, c'est une belle franchise. C'est une franchise qui pognerait avec les kids parce qu'il y a des dinosaures, puis qui pognerait aussi avec les adultes parce qu'il y a des dinosaures. Fait que c'est win-win. Tu peux pas vraiment te tromper avec ça. Puis, ouais. Nice, mais oui, effectivement, Spore est un peu dans le même genre, mais Spore, c'était plus comme un... Ça faisait pas des T-Rex, ça faisait plus comme des hommes pénis avec ça. Ah. C'est vraiment le meilleur simulateur d'hommes pénis que tu peux faire, ça. Wow! Hey, merci bon. Pour tout ça. Là-dessus, Bruno? Oui, hein? Toi? Ben moi, attends, là. Il reste un 5 minutes, fait que faut faire un dernier tour. On va carabiner. C'est ça qu'on n'a pas pu dire, là. Vas-y. Okay, pas dit encore un Eraser, personne? Non, OK. Moi, j'en ai deux derniers. Je vais y aller avec mon préféré, là, qui est une évidence, mais je m'en sacre. Star Tropics. Ah ouais. Je trouve que c'est vraiment le temps de ramener Star Tropics. Ça va faire, là. Moi, je pense qu'on devrait faire un hashtag sur Twitter. Bring back Star Tropics, ouais. Nintendo. À pire toutes le les trop, fois, on espère. Tu tags Reggie. Reggie, ouais. Ouais, c'est tellement une belle licence, puis c'est tellement... Le gameplay était tellement vraiment le fun. On pourrait refaire ça, là, facile, là. Non, non, c'est clair. C'est ça serait pas Breath compliqué, of the Wild, là. Là tu prends l'engin, tu mets ça dans les îles tropicales, tu garoches un yo-yo, call it a day. Ah, man, ouais. Bonsoir. Moi, je suis fait pour faire du shovelware. Je suis ouais, c'est ça. Je vais dire celui-là, puis je vais dire mon deuxième aussi. Bionic Commando. Oui, il y a eu des HD remakes, puis il était super bon. Puis moi, je joue en 3D, je l'ai aimé. Bon, I stand by it. Je l'ai aimé, ce jeu-là, puis j'aimerais ça. Posséder, Il est tellement fun, ce jeu-là, puis c'est pas le fun, c'est ça qui a été aussi détruit. Mais que moi, ça. J'aime que tu sois le seul gars que je connaisse qui aime ce jeu-là. Oui. Fait que c'est parce que je pense aimer d'amour dans moi, je pense t'es que. Genuine, là, tu sais. Je pense que t'es le seul gars que je connais, qui me connaît. Ouais. Je suis le seul gars qui me connaît. Qui a joué à ce jeu-là, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont chié sur Bionic Commando, mais qui ont jamais joué, qui ont vu les reviews, puis ont fait comme ah, c'est de la stimante. Puis il y a beaucoup de reviews qui ont détruit ce jeu-là. Ouais. À cause de son setup. Puis quand tu regardes pas le setup, puis tu regardes le hook, la façon qu'ils ont réussi ça dans un univers 3D, c'était méga addictif, ouais, là, comment ça fonctionnait. Ah, c'était cool. Fait que, tu sais, cool. Ça, c'était vraiment le fun. Les environnements, c'était discutable, mais c'était le fun pareil. Fait que, tu sais, je trouve que des jeux avec des crochets... Il en manque, puis cette semaine, cette semaine, je posais une question aux gens sur le Facebook de Rétro Nouveau. C'est préférez-vous les jeux open world ou les jeux linéaires? Par linéaire, en fait, ce que je veux dire, c'est que t'as un quest, t'as un chemin, puis faut que t'ailles là. Faut pas que tu te promènes partout sur la map. Puis Bionic Commando était comme ça. Moi, j'aime ça, des jeux comme ça aussi. Ouais, moi aussi. Ouais. Fait que, tu sais, j'aimerais ça, là, qu'il y ait un Bionic Commando type qui revienne. Ouais. Bon, moi, un mot sur ça. M'en pitcher deux. Rafale, ouais. Vite, go. Warcraft, mais pas le World of Warcraft. Je veux un Warcraft. C'est un real-time strategy. Un vrai. Top view, la suite de Warcraft 3, tu sais. Ouais. On s'ennuie, c'est le fun. Starcraft, là. J'aime mieux Warcraft. Ouais, moi aussi, j'aime mieux Warcraft. Un skin de Starcraft. Ouais, ça c'est correct. Tu peux risquer de nez, man. Fallait que tu veux call it a day après, tu sais. Vas-y, on va avec des affaires, Ben, je te dis juste, c'est ça que j'aimerais, tu sais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça serait le fun, puis, mais pas obligé de super compliqué, puis je veux pas un free-to-play. Je veux payer 70$, Blizzard, comme vous faites tout le temps, puis je vais l'acheter, puis je vais avoir du plaisir à jouer, puis je vais me faire détruire en ligne, tu sais, probablement par des Coréens, comme tu as mentionné tantôt, parce qu'à StarCraft, c'était ça qui s'était passé. Ouais. C'est pour ça que j'aime pas ça. J'ai commencé à jouer trop tard, puis je me faisais exploser. Ils vont peut-être le faire avec tout le cash qu'ils ont perdu sur le film. Ils ont fait beaucoup d'argent international. Ah ouais? Ils ont perdu de l'argent aux États-Unis, mais international, ils ont fait un gros succès. Donc, ouais. Autre jeu franchi, j'étais. Je venais avec Metroid, tu sais. On a besoin de Metroid. Il en faut un Metroid. Tu sais, comme. Pis... Bring back Samus. Ouais, mais tu sais, ça serait le fun. Tu parlais du 2D, 3D. T'sais, ouais. Ça, c'était une belle mécanique, tu sais, qu'on pourrait amener. T'sais. First person versus. 3DS. Mais non, je la voudrais en Wii. Soit Switch. Un jeu de Wii, guys. Come on, lâchez pas, là. Non, mais moi, je trouve, tu sais, reprenez Switch. Ce que vous avez fait dans Metroid Other M, mieux pas implémenté. Genre, non, mais tu mets pas l'histoire, mais tu sais, il y a des bonnes idées dans Other M. Ouais. Puis c'est juste à cause qu'il faut que tu sortes ta manette, ton pointeur, puis que tu reviennes dans un autre mode. Puis c'était juste ça qui était gossant, là, tu sais. Tu fais ça sur un shoulder, là, puis tu switches ouais, le mode, puis tu m'avises, puis bang, call it a day. Ouais. Bring back Metroid. Je vais pitcher vite. Final Fight, je dis rien. Final Fight, Capcom. Ah ouais. Tu veux mon autre 30 hey, piastres, vas-y. C'est dommage que tu aies droppé Final Fight, parce que moi, mon autre jeu que j'avais mis en ligne, c'est Metroid versus Star Fox. Ça, c'est une rumeur qui était sortie, je pense, à un E3 avant la launch de la Wii U et tout. Puis c'est un E3 que la personne qui avait fuité tout ça, elle avait eu vraiment plein de scores et tout. Elle avait fait que tout le monde était persuadé que ce jeu-là existait. Puis il n'a jamais été annoncé. Donc je sais pas c'est quoi Metroid versus Star Fox, mais je trouve ça malade. Moi, je veux jouer à ce jeu-là. Puis tu sais, ce qui est cool aussi, c'est que ça se passe dans le même univers. Fox, F-Zero, Metroid, c'est comme tout un peu dans le même univers. Ouais. Un peu comme dans le Marvel Cinematic Universe. Puis ça, c'était mon segue vers mon autre jeu que j'aimerais voir. Vas-y. Puis là, ça, c'est pas une franchise de jeu, en fait, qui a vraiment existé, mais qui en a eu, mais que j'aimerais qu'on essaye. C'est faire l'équivalent dans le Marvel Cinematic Universe des films, mais en jeu. Mais tu sais, d'avoir un... plein de jeux différents, tu sais, comme ils en ont fait un peu au début, puis ça a floppé. Mais d'avoir plein de jeux que maintenant, quand t'arrives à Avengers, ben là, ils sont tous ensemble, puis ils amènent tous leurs gameplay différents. Fait que tu sais, tu pourrais avoir genre Thor, là, qui est un gros beat'em up cochon, ce que tu t'arraches le monde dans l'espace et tout. Tu pourrais reprendre Captain America, puis amener un peu les éléments un peu de stealth, puis de spy qu'il y avait dans Winter Soldier. Tu sais, Hulk, ben là, c'est vraiment de la pure destruction et tout. Puis Iron Man, c'est un peu shooter, un peu, tu sais. Ouais. Puis finalement, tu ramènes tout ça même dans un jeu, puis ces mécaniques-là s'entremêlent, puis tu fais un gros jeu. Mais il y a un jeu semblable à ça qu'on a oublié. Tu sais, je pense que c'était Spider-Man Shattered Dimension. Oui. Oui. Tu sais, c'était fun, un peu ça. T'avais Spider-Man noir, t'avais Spider-Man genre... Toi, t'avais Spider-Man school. Future, t'avais Spider-Man Limited, puis t'avais... 2048, je sais plus lequel, là, mais... Mais, ouais... C'était mais... quand même pas loin de ce que tu décris. Non, c'est ça, moi, c'est vraiment un jeu qui sort. T'sais, comme ça, t'sais, l'équipe, mettons, elle commence, puis là, on travaille, on fait un maudit bon système de mêlée pour ce jeu-là. Ouais. Là, on ramène ça, puis là, on rajoute le système de shooting pour faire ce jeu-là, tu comprends? Okay. Ouais. Mais sinon, encore plus que là, ça, c'est un peu garoché de même, mais tu sais... Je sais que les licences de Fighter, de Marvel appartiennent à Capcom, mais tu sais, moi, je ferais un genre de Smash Bros. Avec tous les persos de Marvel, puis j'appellerais ça genre Civil War. Tu vois tous les persos, un beat'em up simple et tout, tu les taloches, tu rajoutes du DLC, les Guardians of the Galaxy arrivent, puis là, à la fin, tu finis avec Infinity War. Mais c'est genre... le fun, mais tu vois, Sony ont essayé de faire ça. Puis, ouais, mais c'est parce que c'est les persos de Sony. Il y a comme pas de. Le gameplay marchait, mais je pense que c'est le package qui était pas attrayant. T'sais, Nathan Drake qui tire du gun sur Crash Bandicoot, c'est comme. Sur papier, ça marche pas. Un peu weird. C'est ça. Mais là, tu as vraiment. T'as tout le setup de Civil War qui justifie déjà que les super-héros t'as là. J'ai tous les villains du cinéma. Tu fais un jeu facile à prendre en main, puis tu sais, je pense que t'as un petit hit là-dedans. Bon, puis tu sais, comme la suite, Infinity Wars, bang, c'est fini. Bruno, pas de Gal Panic? C'est ce que j'allais dire, ça, c'est mon as dans le manche. Gal Panic. Gal Panic en VR. Yes. Ferdinand Social? Ouais, Ferdinand Social, la série. Sims, Ferdinand Social Edition, quelque chose genre, là. Mais Gas Panic en VR, faut que ça se fasse. Ça s'en vient. J'ai l'impression que ça c'est peut-être déjà fait. Avec des FMV. Je vais FMV. Fouiller pour vous, puis je vous reviens là-dessus. C'est ça. Dans le dark web. Là. Dans deux semaines, Jeff va venir avec les lames. Les cheveux blancs. Les cheveux blancs, les saignées des yeux. Là. Ah ouais. Hey, Colin. Bon, c'est toi le petit point qui fait les lignes. C'est toi. Tu le fais en first person. Tu regardes toujours en bas. C'est une grande map. Ah, ce serait cœur. Hey, beau boy. Hey, beau boy. Qu'est-ce que tu veux? Tout ça a parti avec Kix. Ouais. Puis après ça, j'ai grandi. Découvert des choses. Oups, on t'en veut la vie. Overtime. C'est le feu Arcade Terrebonne. Avant Arcade Montréal, il y avait Arcade Terrebonne. Arcade Terrebonne. Chez Daniel. Arcade PIRB. Ouais. Qui avait c'était Durbin 2. Nice. Ah, Durbin 2. Eh boy. Hey. C'était le fun, ça? Ouais, c'était le fun. Ouais, c'était le fun. Puis là, Dom est pas là. Ben oui. J'imagine qu'il fait dodo présentement. Ben moi, écoute, je comprends Dom. Tu sais, des fois, il y a quelque chose qui passe pas, puis tu files pas ben, puis là, tu sais, tu te ramasses avec l'estomac qui fait des siennes. Qui cabriole. Super.